Nous allons reprendre à un jour relativement spécial. En effet, ce jour-là, devant Justinienne, la haute ville, au cœur du protectorat, une silhouette s'avance au niveau de la porte. Une silhouette qui titube et qui s'appuie sur un genre de... Ça y est, je perds déjà mes mots. De béquilles. Can. Béquilles plutôt. Mais pas les béquilles comme nous on les connaît. Plutôt les vieilles béquilles comme à l'époque, celles qui étaient très grandes et qui étaient coupées à même quelques morceaux de métal, en l'occurrence ici. Cet homme est donc évidemment un juge et Jacquard, tu es récemment sorti de l'hôpital depuis l'hospital. Tu as pris pendant plusieurs jours ce qu'on pourrait comparer à un genre de rééducation, puisqu'il a fallu que tu réapprennes à marcher, et puis qu'on s'assure aussi que tes blessures relativement profondes dues à ton dernier combat ne s'infectent pas, puisqu'en effet, ton bras gauche et ta jambe gauche ont été emportés. Il ne reste plus qu'un moignon. Et un bout de ta jambe qui, elle, malheureusement, se balade comme elle peut. De l'autre côté, sous ton chapeau, masquant une partie de ton visage, on peut tout de même remarquer qu'une partie de ce dernier a été brûlée. Légèrement. Et qu'il te manque une oreille, tandis que l'un de tes yeux semble étonnamment fermé en permanence. On ne sait pas s'il est mort ou autre, mais quoi qu'il en soit, le personnage est là, il titube. Personne d'autre autour de lui. Avant que tu quittes l'hôpital, on t'a proposé d'échanger ton marteau à deux mains, devenu difficile à manier, contre un mousquet. Est-ce que tu l'as accepté? Un mousquet, genre un pistolet ou un fusil? Un mousquet fusil. Ouais, mais... Je peux pas avoir les deux. Malheureusement, non. Tu vois que le fusil qu'ils t'ont proposé est adapté pour pouvoir tirer plus facilement à une main. Ça sera pas aussi bien, mais à toi de juger si tu penses que ce sera en tout cas plus pratique que d'utiliser un marteau à deux mains à une main. Même si dans les deux cas, forcément, t'es un petit peu, on va dire, handicapé. Ouais, ça, désolé de faire le truc un peu chaud. Ça m'apportera un malus si j'utilise le marteau, du coup. Oui. Et Ouais. bon, pour l'instant, en tout cas. Eh ben, je vais garder le... Le marteau. Ouais. Ok. Tu as Défi donc ton accepté. marteau également avec toi. Et tu te présentes devant les portes de la ville. Rapidement, des hospitaliers s'approchent de toi. Juste un coup d'œil histoire de voir que tout va bien. Tu les vois jeter des petits coups d'œil attentifs à leurs mollusques. Tout semble aller pour le mieux, alors ils te laissent passer. Tu te rends ensuite dans l'une des casernes de la ville dans laquelle l'on t'a donné rendez-vous. Là-bas, tu y retrouves toute la vie un peu, on va dire, commune des juges que tu avais oubliés. Tu les vois entreposer leur équipement, l'entretenir, et tous là en train de fumer la pipe, discuter tandis que les autres vont faire des rondes sur les hauts murs de la ville, donc de Justicienne. T'entends certains parmi tout ce petit brouhaha de personnes, cette caserne est une des nombreuses de celles qui se trouvent dans la ville et doit contenir environ entre une vingtaine et une cinquantaine d'hommes au maximum. Et tu les entends parler des récentes affaires, de ce qui se passe. Des gars qu'ils ont attrapés, des bagarres qu'ils ont arrêtées. Au moment où tu rentres, tu vois que la plupart d'entre eux tournent la tête et jettent tous un regard un petit peu interloqué dans ta direction. Tu remarques malheureusement que sans doute plus jamais tu seras considéré comme, on va dire, normal. Certains semblent pas forcément afficher des airs mauvais ou autres, mais tu vois que ta présence se fait remarquer, en tout cas. Concrètement, on se demande à peu près ce que tu fous là, quoi. Je continue à avancer, mine de... J'essaie vraiment, j'ai avec une tête stoïque, je fais comme si... Je mine de rien, comme si rien n'était. J'essaie d'avancer, non. Tu continues à avancer. On entend maintenant simplement quelques voix un peu plus basses, quelques chuchotements et le bruit de ta béquille résonner sur le sol. Le poc, poc, poc. Puis tu t'avances en direction de l'escalier qui lui-même mène en direction de l'étage, là où se trouve le bureau de ton chef. Je vais te demander un premier jet pour monter les escaliers. Ça peut paraître un peu débile, mais c'est le premier que tu as en face de toi depuis un bon moment, depuis plusieurs mois. Et je pense que je vais te demander un jet d'agilité, mobilité, avec une difficulté de 3. Alors, j'ai 4D. Trois réussites. Parfait. Tu commences à t'accrocher à la rambarde. Tu vois que ce dernier a l'air vachement plus compliqué à atteindre, à surmonter que ce que tu aurais pensé, en tout cas. Et à un moment, ton pied manque de déraper, tu manques de tomber en arrière, mais tu te rattrapes au dernier moment. Tu sembles entendre assez rapidement, mais de manière vraiment brève, quelques ricanements derrière toi, mais rien de plus. Et fier et fort, tu te retires en avant, puis arrives à monter ce dernier sans plus de soucis. Ça. Tu te dis que quand même, que heureusement pour toi, ton honneur actuellement, on va dire un peu sauf. Tu demandes de ce qu'auraient pensé tes collègues face à la vision d'un juge ainsi incapable de surmonter quelque chose d'aussi simple qu'un escalier dans une caserne. Tu arrives donc au niveau de la zone principale, du petit bureau que tu ouvres, enfin en tout cas tu toques et on te fait signe d'entrée, et tu retrouves là l'un des commissaires. Bonjour. Bonjour. Jacquard, c'est bien cela ? Oui, on m'a donné rendez-vous ici. C'est parfait. Je me présente. Raph Nedorf. Enchanté, Raph. On m'a dit que vous aviez été relativement indisposé ces derniers temps suite à un combat d'une extrême intensité et violence en Purgare, c'est bien cela? Pas plus que ça. Parfait. On m'a aussi dit que à cette époque-là, vous travailliez avec une équipe et qu'elle se trouvait encore en ville actuellement. Ouais, c'est peut-être bien vrai. Parfait. Voilà ce que je vous propose. Vous retournez les voir, vous leur dites que tout va bien. Et à l'occasion, vous passez nous voir, on aura peut-être un petit truc pour vous. Malheureusement, en attendant, je vois pas vraiment ce que vous pourriez faire. D'accord, faisons comme ça. Tu vois d'ailleurs qu'au moment où il te parle, il commence à s'allumer une pipe à l'intérieur de son bureau. Pose aucun souci au juge de fumer en intérieur. Au fait, dit-il, alors que tu t'apprêtes du coup à repartir, hein, puisqu'il n'a pas l'air d'avoir plus de grand chose de plus à te dire, il t'indique simplement, j'imagine que tu as une petite carte avec toi, l'emplacement exact de là où il faut que tu te rendes pour retrouver les autres. Je vous conseille de faire attention, j'ai rien contre vous, mais j'ai entendu que certains confrères des villes n'étaient pas vraiment d'accord avec ça et trouvent que c'est une honte qu'on vous ait gardé parmi nous. Bah, si vous les croisez, vous pouvez leur dire d'aller se faire foutre. Je vous laisserai leur dire à vous-même. Et tu vois que la suite laisse repartir. Tu redescends alors les escaliers et j'imagine que tu t'apprêtes à repartir dans la direction que tu avais souhaité. En tout cas, celle du reste du groupe. Donc tu as autre chose à faire en attendant ? Non, visiblement, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Parfait. Et si jamais tu veux, sur le groupe Discord, tu as la carte de justicienne dans le channel Borka. Au moment où tu te diriges vers la porte de sortie, tu vois qu'il y a plus grand monde au sous-sol, comme si la pause était finie et que tout le monde était reparti à ses rondes. Tout le monde à part deux gars. Des juges à peu près comme toi. Ces gars-là, tu les as déjà vus, tu les connais même bien. Vous aviez fait vos premières comment dire, affaires et rondes en tant que recrue à leur côté, tu les connais de nom. Le premier d'entre eux se fait appeler Alexander et l'autre Félix. Et tu vois qu'ils t'attendent comme s'ils te bloquaient la porte de sortie. Vous voyez pas que vous êtes en travers de mon chemin, les gars? Tu vois l'un d'entre eux qui te regarde un peu avec un air mauvais et puis qui fait « Vas-y, tourne-toi sur le côté. » Vu ta taille, je suis sûr que t'arriveras à passer malgré tout. Mais qui s'écarte genre de quelques centimètres, laissant une légère ouverture. Tu sais en effet que les juges sont assez, comment dire... En tout cas, certains d'entre eux... à cheval sur... leur représentation auprès du peuple. Et pour eux, une personne trop faible n'a rien à faire parmi eux. Et sans doute qu'ils considèrent que le fait qu'il te manque deux membres fait de toi quelqu'un de trop faible. À ce moment-là, ils s'écartent à nouveau, te laissant l'espace pour passer. Mettez-vous encore une fois à travers de mon chemin, et je vous promets que vous allez avoir deux membres en moins que moi. Et au moment où tu t'apprêtes à passer, à ce moment-là, pour sortir, tu vois l'un d'entre eux qui met son pied au niveau de l'entrée pour que ta béquille se prenne à l'intérieur. Fais-moi de nouveau un jet d'agilité mobilité. Trois réussites. Tu commences à tomber en avant et comme la dernière fois, t'arrives à te rattraper juste en face. Il y avait une petite rambarde aussi vers l'extérieur qui, elle, donnait... sur un escalier qui descendait sur les rues de la ville, et t'arrives à t'y rattraper même si tu les entends rigoler derrière au moment où ils referment la porte de la caserne. Fils de chien. Et du coup, non, tu peux me dire les résultats à l'oral, c'est... Ok, merci. Par la suite, nous allons passer à Flux, Mokosh et Toric. Vous vous trouvez actuellement chez Flux, entouré du coup des gamins des rues, et vous savez que Pryl est censé vous rejoindre ainsi que Jacquard, dont on vous a dit qu'il était sorti du hospital. J'aimerais savoir, en attendant, on va dire, vos invités, ce que vous faites. Très bonne question. De quoi est-ce que vous discutez? Vous pouvez simplement vaquer à tout et à rien, vous n'êtes pas obligé de... Oui, personnellement, je... Bah, je travaille dans mon atelier, normal. Mm-hmm. J'ai mes... Ouais. Puis je mes petits acolytes. Hein. J'ai découvert quelque chose un peu... Oui, oui, le 10 de GMAT. Mais... Non, oui, on... Moi, je travaille comme d'habitude, et si mes hôtes sont présents, bah... On s'occupe d'eux avec une petite boisson à boire, et puis voilà quoi. Moi, je vais prendre un parti, Bokosh. Et je vais dire, tant qu'à faire, vu qu'on est déjà en train d'essayer de résoudre ces problèmes, je vais lui demander, dis-moi, tu serais pas pour quelque chose dans ce qui est arrivé au juge qu'on a croisé en arrivant à, en allant sur Justicienne? Oui, mais si tu me poses la question, on sait que tu te doutais bien que c'était le cas. Oui, bah après, je me doutais un petit peu, mais je voulais l'entendre en venant de toi, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une intuition qui... Je pensais que c'était lui qui était derrière tout... Tout ça. Et j'ai foiré à un moment, j'ai parlé des gosses justement, j'ai dit qu'on avait trouvé les bourgeons sous le chariot avec les gosses. Et je sais pas, j'ai paniqué, j'ai pensé aux conséquences. Ça m'était jamais vraiment arrivé depuis que j'avais rencontré Abby d'ailleurs, mais... Et du coup, il est mort. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on a quitté la Purgari, t'as pas l'air dans ton assiette. Disons que je sais pas si c'est la prison qui ou ce qui s'est passé avant qui t'a peut-être embrouillé l'esprit, mais. Depuis quelques temps, bon, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer, mais tu enchaînes un petit peu les erreurs. Donc après, si t'as besoin de parler, si t'as besoin de te confier sur quelque chose, n'hésite pas. Bon, je pense que il y a peut-être moyen qu'on arrive à résoudre. Cette affaire, mais faudrait pas en rajouter une parce que je sais pas si on arrivera à te sauver encore une fois de plus. J'y penserai. Mais voilà, sache que je suis là si tu veux discuter. Je sais que t'es pas causante, que t'aimes pas trop t'étaler, mais bon, des fois c'est une bonne chose. J'y penserai à ça aussi. Merci. Il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous avez la silhouette de Jacquard qui apparaît au niveau de la porte d'entrée restée ouverte. Son annoncée se fait entendre par justement ce bruit assez distinct de sa béquille au niveau du sol. Toi, Torik, tu reconnais directement que c'est lui qui arrive, puisque jusqu'à ce que Mokosh soit libéré, tu t'étais chargé personnellement de sa réhabilitation, puisqu'il s'était un peu sacrifié, bah, il s'était même littéralement sacrifié pour toi. Ouais. Sa volonté exacte, d'ailleurs, n'était pas de prendre le coup à ta place, mais de te tirer d'affaire, mais en tout cas, là, voilà, le résultat final est ce dernier, il a pris le coup qui aurait dû t'achever. Ce dernier donné par le psychokinésiste. Et donc, pendant que vous discutez, à fur et à mesure que tu entends le poc, poc, poc se faire de plus en plus fort, tu comprends que ce dernier est arrivé. Hey, mon coche, regarde qui c'est qui arrive. Jacquard. Salut. Torik, la Bokosh. Torik, ça va? Bon alors, ça fait quoi de revenir? Tu vas bien? Ça fait quoi de revenir à la famille? Ouais, moi ça va. T'es pas malade, ouais. Tu vas bien? Non, ça va, je m'occupe bien de moi, mais... T'es pas souffrant? Non. Et toi, comment ça va? C'est comment de reprendre la vie normale? C'est pas ce que je qualifierais vraiment de normal, mais oui, j'imagine que... Tu vas bien ? Au milieu de tout ça, Jacquard, tu retrouves, enfin, tu remarques qu'il y a de nouvelles personnes que tu ne connaissais pas. Des enfants qui sont là à l'intérieur de l'atelier, un petit peu à part, en tout cas, entre enfants et adolescents, en train de travailler à droite à gauche, comme une véritable petite maison d'artiste. C'est quoi ? C'est des clanistes, des animatiques qui font un petit peu. Comment dire certains plus un peu plus ferrailleurs. Ah bah voilà. Il y en a même un qui semble avoir une espèce de léger tatouage au niveau du front masqué par ses cheveux comme la plupart des chroniqueurs. Oh, putain, ça pue le bouc ici. Pousse-toi, sale mioche. Ok. Et au niveau de l'arrière-salle, tu entends Flux en train de travailler, sans doute de discuter un petit peu avec visiblement d'autres personnes. Il semble y avoir 4 recrues en tout pour le reste des personnes. Est-ce que tu vas voir Flux également ou Non. Et Flux, toi tu entends du bruit dans la salle d'à côté, est-ce que tu vas voir Jacquard ? Oui. Tiens, Flux, regarde qui c'est qui nous a rejoint. Fait un bail. Ah, non. Ah oui, tiens. Salut. C'est bien. Encore une demi-partie, tu seras aussi rebaptisé que moi. Je te regarde assez mal. Avec un grand silence dans l'atelier. Ils bon. Ont arrêté de travailler sur quoi, sur ce quoi ils étaient. Bon, assez rigolé. Ça fait plaisir qu'on soit à nouveau, enfin tous réunis. Je pense qu'il est temps de mettre un peut-être au courant notre cher ami Jacquard sur ce qui nous est arrivé récemment, n'est-ce pas, Mokosh? C'est vrai qu'il s'en est passé des choses depuis votre voyage en Purgaré. Ouais. Ouais, Mokosh. Bah, disons que... Bon, après, par rapport à ce qui m'est arrivé sur pour mon bras, il est au courant, parce que vu que j'allais le voir régulièrement, non? Oui, et ton bras, d'ailleurs. Oh ben, il va bien. Ça va. Enfin, est-ce que je lui ai montré mon bras depuis que je vais le voir Alors, du coup, non, puisque depuis que tu as ton nouveau bras, tu es occupé. Mais du coup, j'enlève une partie et je lui montre mon bras mécanisé. Donc c'est un bras. Donc à ce moment-là, tu vois que son bras a été remplacé par une attelle, mais mécanisée. Qui semble presque sortir d'un âge complètement différent. C'est vraiment pas quelque chose de commun et très très rare. C'est la première fois que tu vois quelque chose d'aussi précis. Justice divine. Ça fait mal et... Non, tu sens rien. Qui sait Ça te rend souffrant. T'as besoin de drogue peut-être pour subir ça. Enfin... Non... Franchement, ça va. Après, qui sait, on ira peut-être essayer de t'en trouver pour toi. Quoi ? Bah, ça pourrait te rendre service, non ? Pourquoi j'aurais besoin de ça ? Écoute, tout ce que je peux faire de la drogue, c'est la brûler, tu sais bien. Et bonjour, c'est pas pour moi. Non, mais là, je te parle d'un comment là, putain, j'ai plus le mot là. Une attelle. Non, c'est pas une attelle, c'est une prothèse. Non. Une prothèse, voilà. De prothèse. Pour ta. Il a sa jambe, ça, c'est la jambe. Jambe-bras. Ouais, c'est ça, exactement. Bras gauche et jambe gauche. Voilà, bah écoute, pour. Une partie du visage qui a l'air d'être amoché aussi. Ouais, ça pour en le fait, visage. C'est parce qu'il y avait la moitié du corps qui plus ou moins partait. Non, mais si on peut t'en trouver pour ton bras et ta jambe, ouais. Tu seras comme moi. On n'y verra que du feu. On sait déjà qu'il y a un bras. De quoi? On sait déjà qu'il y a un bras. Ouais, on sait déjà où trouver un bras. C'est vrai. Maintenant, on manque plus qu'une jambe. Si ça existe. Mais pourquoi tu veux me donner ça? À quoi ça me servirait? Bah écoute, il t'en manque pas une? Pas qu'est-ce que je sache. Ah, je vois, tu es dans le déni. Ça arrive souvent. Je sais que souvent, certains malades sont dans le déni de perdre une partie d'eux-mêmes. Pour eux, elle est toujours présente, mais ça te passera. Je vois absolument pas quoi de... Oui, je vois ton trou. Je vois que tu pourrais préciser un peu ta pensée, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Pourrais-tu faire bouger les doigts de ta main gauche devant moi, s'il te plaît? Non, j'en ai pas envie. À ce moment-là, la porte derrière vous se ferme et vous voyez une nouvelle silhouette rentrer à l'intérieur et vous reconnaissez le commissaire Prael. Toujours son allure très élégante, ses verres teintés et cette odeur de tabac qui l'accompagne. Commissaire. Signe de tête. Faut que je vous parle. Jacquard, ravi de vous revoir parmi nous. De même, commissaire. Il s'est passé quelque chose de compliqué récemment. Je sais pas si vous avez entendu les nouvelles. Bah, ça fait un mois que je suis... Enfin, non, un mois, qu'est-ce que je raconte? Je sais même plus, ça fait combien de temps que je suis pas sorti du hôpital. Vous pouvez m'expliquer? Et vous autres, vous voyez qui vous adresse un regard? Alors, on s'apprêtait justement à un peu expliquer tout ça à notre ami Jacquard. Encore un coup des Jametoclanistes. Non, on a retrouvé un mort ce matin. Dans la ville. Qui est-ce? Un fils de bûcheron. Justice divine. Mm-hmm. Plus précisément. Je ne pense pas que vous comprendrez de quoi je parle, mais Mokosh et Torik, eux, le pourraient bien. Mais je pense que pour cela, il serait mieux que vous m'accompagniez et que je vous montre directement l'état des dégâts. Et là-dessus, il vous... En fait, il réouvre la porte et vous indique dessus. Si vous voulez prendre 5 minutes pour rassembler vos affaires... Moi j'ai tout avec moi. Hein. Vous allez en avoir pour la journée, à mon avis. Vous inquiétez pas, moi j'ai tout laissé à la caserne. Vous marchez, vous traversez Justicienne, jusqu'à vous rendre jusqu'à une autre caserne. Que celle où tu étais allé précédemment, Jacquard. Sur le trajet, vous entendez plusieurs crieurs publics. Ainsi que 2-3 appels de chroniqueurs qui sont diffusés à l'intérieur de la ville, parlant, on va dire, des dernières nouvelles. Pour commencer, on annonce une grande tempête et on conseille aux citoyens, en tout cas les chroniqueurs indiquent aux citoyens, de combler les entrées de leur maison et de faire le stock de provisions pour les jours à venir, car la ville risque de se retrouver encerclée et qu'il risque d'être compliqué de sortir. De même, vous croisez de nombreux marchands en train de vendre des masques pour les gens qui n'en auraient pas. Ensuite, vous entendez quelque chose qui vous touche. En effet, pour rappel, nous sommes au niveau de l'hiver. Et vous entendez que un certain Ennio Benesato est mort la semaine dernière. Une pneumonie. Et que, étant donné qu'il ne possède pas d'héritier direct, sa femme Gala Lombardi va devenir la nouvelle gouverneure de Lucatori. Par la suite, vous arrivez donc en face de cette fameuse caserne. Celle-ci est beaucoup plus petite et, privée que celle où tu étais allé précédemment, Jacquard. Puisqu'en fait, il n'y a quasiment personne. Seulement un homme qui garde l'entrée. Un juge. Ce qu'on appelle même un genre de vagabond ou un juge des villes. Après, elle lui parle quelques instants et puis il vous ouvre une porte en direction de l'arrière-salle. Dans cette dernière, vous voyez plusieurs corps entassés sur des espèces de tables de travail. Au milieu de tout ça, vous avez une grande table au niveau de laquelle s'arrête le commissaire. Certains d'entre vous ont un peu de mal avec cet endroit un peu froid et surtout face à quoi il se trouve juste maintenant. En effet, sur cette table se trouve un corps, celui du fils de bûcheron. Mais, comment dire, il aurait été difficile d'avoir deviné qu'il ait été fils de bûcheron ou même quoi que ce soit d'autre, sans qu'on vous l'ait dit avant, vu l'état dans lequel il se trouve. Il est complètement écrasé. Vous avez des morceaux dans tous les sens qui ont dû être récoltés à la main, mis dans des sacs et redéposés là plus tard. Vous avez un visage dont le crâne a été complètement explosé, comme s'il avait été pris entre deux masses qui s'entrechoquaient. Les membres semblent avoir été arrachés du corps, et plusieurs parties comme le torse présentent d'importantes traces, comme si on en avait arraché des côtes. J'imagine que vous avez tous déjà vu, malgré tout, des cadavres et que vous allez tenir face à cela, mais c'est quand même un spectacle relativement gore, plus que d'habitude. Moi, je souris, hein. Je parle même pas, évidemment, de l'odeur. Oui. Moi, je m'approche. Toi, Tori, t'es presque un peu aux anges. T'as jamais vu un puzzle de cette qui te présentait autant de challenges. Ah, moi je m'approche, hein. Je viens, je regarde de près tout ça et j'essaie un petit peu de. Justement je vais de. Te demander un jet d'intelligence médecine avec une difficulté de 3. Alors. T'aurais pas eu une dispute avec un bûcheron par hasard, Mokosh? C'est moi qui dis ça, Jacquard, parce que tu connais pas les récents événements liés à Mokosh. Et vous voyez, Prael jeter un regard noir à cette dernière. Attends, il pas avec celui-là. Il m'en manque des dés, là. J'en ai... Ouais. J'ai 6. Il me semble qu'en intelligence médecine, c'est plutôt... je peux pas tricher, là. Ouais. Oui, je confirme, c'est Mokosh. Tu te penches sur le cadavre et tu commences à regarder un peu à droite à gauche, analyser les éléments comme tu peux, et tu comprends absolument rien. T'as jamais vu un cadavre dans cet état. C'est à n'y rien comprendre. Il semble avoir été massacré, t'es incapable de faire la moindre déduction. Mais je me tourne vers le commissaire, je mets vous l'avez trouvé où? Sur la route de l'Est. Du Sud-Est, plus précisément. Et quand? Il était allé faire affaire en ville il y a quelques jours. J'ai déjà envoyé deux, trois... informateurs sur le coup. Mais c'est assez compliqué de savoir exactement. Si je vous demande de travailler sur cette histoire, c'est que je pense qu'elle est liée à vos anciennes affaires. Et j'aimerais avoir des informations de votre part, Mokosh et Torik. Je pense que vous pourrez m'en apprendre plus sur ce qui s'est passé. À vrai dire, l'homme que vous voyez ici est, comme je vous l'ai dit précédemment, fils de bûcheron. Nous savons qu'il est arrivé il y a 2 jours en ville, dans l'objectif de contacter un ferrailleur et de lui vendre un artefact. Ce dernier servirait, d'intermédiaire entre le bûcheron et un chroniqueur. Le bûcheron... souhaitant ne pas, faire affaire directement avec ces derniers. L'objet en question, c'est compliqué de savoir de quoi il s'agit. Tout ce qu'on sait, c'est des on-dit de 2-3 personnes qui ont pu l'apercevoir. On ignore même qui est en possession de ce dernier à l'heure actuelle. On nous parle d'un artefact qui pourrait intéresser les ferrailleurs et les chroniqueurs, quelque chose qui émettrait de la lumière. Mais ce qui me dit que cette affaire pourrait être liée à la vôtre, c'est que l'état dans lequel on a retrouvé le corps est incompréhensible. En fait, d'après les analyses que j'ai pu effectuer plus récemment, on semble avoir déduit que le crâne que vous voyez ici, dit-il en vous pointant le dernier, qui pour rappel a été enfoncé, semble avoir été, comment dire, comme déformé sous une pression similaire à une main. On imagine donc quelqu'un capable de briser un crâne avec la force de ses simples doigts. De même, les membres semblent avoir été arrachés d'un coup sec. Les conclusions des analyses que nous avons effectuées précédemment sont plutôt claires. Ce qui a fait ça n'est pas humain. C'est trop mécanique. Et l'on parlerait plus de quelque chose comme d'une machine. Vous ne devez pas forcément comprendre de quoi est-ce que l'on vous parle, Flux et Jacquard, mais il se trouve que nous avons un jour coopéré avec ces deux personnes ici présentes sur une affaire ayant eu comme par hasard lieu proche de l'endroit où résidait ce pauvre homme. À cet endroit que l'on appelle la forêt des déserteurs, la forêt de Vertflush, ils nous ont aidés à extrader un certain sénateur qui, sous l'épreuve de la torture d'un interrogatoire, nous a révélé que la bête que l'on racontait hanter cette forêt n'existe pas, était une pure invention pour s'y protéger. Ok. Malheureusement, le sénateur n'a pas pu nous en dire plus. Ce n'était pas notre sujet d'intérêt exact à l'époque, et c'est pourquoi j'aimerais pouvoir entendre de votre bouche ce que vous aviez vu à l'époque à cet endroit. Et je tiendrai à ce que tout ce qui se dise ici reste ici, puisque mes supérieurs ne sont pas au courant. Nous avions conclu un marché à l'époque, entre nous. Et ils n'ont pas à l'être. Je regarde Mokosh avec un regard genre on lui dit ou pas, puisque à l'époque on avait menti, on avait dit que il y avait effectivement quelque chose de très dangereux, qu'il fallait pas y aller pour que les autres puissent rester tranquillement. Du coup là Ouais, bah j'imagine qu'il faut le dire. J'imagine. Bon, écoutez, à l'époque, on vous a pas tout dit. En effet, cette forêt était un canular, si je puis dire. Enfin, il y a des gens qui vivaient là-bas et qui se cachaient un peu de l'extérieur et qui avaient inventé un petit peu cette bête pour laisser les curieux à l'extérieur pour ne pas qu'on vienne les chercher. Et nous avions à l'époque accepté le fait de ne pas révéler la supercherie. Il en va de soi que nous avions tout de même trouvé à l'intérieur de cette forêt des vestiges d'hommes de métal, mais qui avaient l'air juste inertes comme des statues. De là à ce qu'aujourd'hui ces choses aient pris vie, je ne sais pas. Cela paraît plutôt cohérent par rapport aux révélations de notre ami le sénateur à l'époque. Et reste plutôt cohérent avec ce que j'ai pu apprendre par la suite. Je suis moi-même rentré en contact avec un juge ayant travaillé à l'époque sur une affaire qui pouvait avoir l'air similaire. Une autre ville au sud de la Borka où un groupe de voyageurs s'était amusé à camper et qui avait fini dans le même genre de bouillie. À l'époque, ils avaient accusé de la même manière des hommes de machine qui rôderaient, qui seraient en train de rôder, pardon, à l'intérieur de ces vestiges en quête d'on ne sait quoi. Ainsi, tout me laisse à penser que nous avons actuellement affaire à ce que l'on appelle une machine de Hamsumo. Elles ont été créées avant les Chatons et nous savons que très peu de choses sur ces dernières. Elles sont, il faut l'avouer, relativement rares. Maintenant que je sais de quoi on parle, je vais re-regarder le corps. Parce que là, j'étais un peu pris au dépourvu. Et je en effet, regarder. Tu vois que les marques sont en effet ce qu'on pourrait dire de très mécaniques. Et que les choses se sont faites brusquement. Ça soit au niveau des blessures, où t'as plus l'impression d'avoir eu un enfant qui se serait amusé à démembrer un insecte, donc avec des coups secs, que par exemple un humain qui aurait... Voilà, justement, pareil, démembrer un autre humain, ce qui se fait pas du tout de la même manière, puisqu'il faut beaucoup plus de force, on va dire, de la part de l'humain, pour réussir à faire ça, là où, dans l'équivalent de quelque chose de beaucoup plus puissant, on peut se permettre d'y arriver plus facilement, beaucoup plus. Notamment de la part d'une machine. Tout ce qu'on sait, a priori, à leur sujet, en tout cas, tout ce que j'ai pu réussir à trouver en demandant à mes confrères, c'est que ces dernières ont donc... été créée avant l'apocalypse qui a détruit le monde d'avant et qu'elle servait à maintenir l'ordre. Malheureusement, certaines d'entre elles sont toujours actives pour une raison un peu inconnue et semblent suivre des règles qui leur sont propres et qui sont relativement incompréhensibles. J'imagine que la mort de cet homme a quelque chose à voir avec ce qu'il souhaitait vendre en ville et j'aimerais si possible que vous réussissiez à écarter tout danger futur en vue de potentiels acheteurs ou autres, en fonction de la raison qui a poussé cette chose à éliminer ce pauvre homme. Du coup, je pense que l'idéal serait déjà d'aller sur les lieux où on a retrouvé le corps et essayer d'un peu faire le tour, ouais, enquêter. On a cet objet là ? Malheureusement, non, aucune idée, aucune trace. Nous pensons qu'il a été vendu puisque c'est ce que cherchait à faire cet homme et qu'il serait sans doute pas reparti chez lui s'il n'avait pas réussi à vendre son artefact. Surtout qu'il est plutôt aisé de trouver un acheteur ici à Justicienne. Vous avez évoqué des témoins. Est-ce que ce sont des vendeurs à qui il a proposé et qui n'a pas été satisfait par leur offre? N'importe quoi. Au niveau d'un quartier marchand et a essayé de discuter avec 2-3 personnes. Nous avons essayé d'obtenir une discussion plus ou moins détaillée de lui en recomposant son corps avec ce qu'il en reste. Et c'est tout ce que j'ai pu savoir. Si vous voulez, je peux vous indiquer l'endroit exact où nous avons posé nos questions. MJ ? Oui ? Est-ce que c'est à tout hasard, est-ce que c'est à l'endroit où on devait trouver quelqu'un, où je devais me faire passer pour quelqu'un d'autre ? Non. Non, c'est pas, ça a aucun rapport avec ça ? Non. Ok. Non, il vous indique juste une zone du technocentre. Ok. Écoutez, je pense qu'on va y aller. On va voir ce qu'il y a sur les lieux. Parfait. Et une dernière chose, si possible, veillez à ne pas parler de la machine en question. Vous essayez de savoir où est passé l'objet, de le retrouver et d'intercepter cette dernière. Je sais que les choses sont un peu compliquées et je serai à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Je peux même vous accompagner si vous le souhaitez. plus, j'aimerais éviter que l'affaire s'ébruite, puisque ça nous obligerait, ou en tout cas d'autres juges, à retourner dans de vieux dossiers que nous n'avons pas envie de retourner. D'autant plus qu'à l'époque, nous nous sommes tous plus ou moins associés pour détourner la vérité. Ok. Bon bah allons-y hein. Allons-y. Ah oui, vous avez dit que vous pouviez me donner l'endroit. Enfin, que vous pouvez nous donner l'endroit où ils ont été interrogés. C'est trois gars-là, vous avez dit ? C'est ça. Nous avons interrogé plusieurs commerçants au niveau du technocentre. Ah d'accord, c'était ça, excusez-moi. Ouais. Notamment au niveau du grand marché de la ferraille. Ouais. Mmh. Allez, go. Très bien. Une des premières zones que l'on atteint en récupérant la route sud-est. D'ailleurs, c'est la route que t'as empruntée toi-même ce matin. Et sinon, à part ça, pas d'auberge, pas de chambre, rien. Pour qu'une trace de... Plus, j'ai évité d'envoyer qui que ce soit d'autre sur l'affaire pour l'instant, plus que ça pour ne pas révéler des choses que l'on souhaitait garder cachées. Et vous aviez dit que c'était le fils d'un bûcheron, si je ne me trompe pas. Oui. On n'a pas de nouvelles de son père. En tout cas, au commerçant. Pas de nouvelles de son père. J'ai envoyé un de mes gars à cheval là-bas et devrait revenir dans la soirée, j'imagine. Je ne sais pas combien de temps il va mettre. Très bien. Eh bien, si c'est tout ce que vous avez, j'imagine que nous pouvons commencer l'enquête. Ou plutôt la compagnie. Voilà, on est sur la route. Parfait. On va où là actuellement d'ailleurs, donc pour commencer. Là vous êtes pas très très loin de la zone que vous cherchez à atteindre, donc du grand marché de la ferraille. Vous êtes un peu plus au nord. Vraiment. D'accord. Mais en général en effet vous traînez relativement au niveau, on va dire de la partie est de la ville. Toi peut-être que Moko, des fois tu te rends au niveau de la partie nord-ouest, donc le quartier de la Croix. Et, sinon... Rien de plus. Okay. Du coup, une fois sur place, est-ce que ils ont balisé une zone, un endroit où les gens peuvent pas aller, ou c'est libre de d'accès pour tout le monde? Ah, c'est libre d'accès pour tout le monde puisque lui, il a été tué sur le chemin du retour, donc. Bah, ils ont nettoyé la zone, quoi. Ouais, donc il n'y a plus rien à choper. Si jamais il y avait des indices, quelque chose, ça a déjà été un petit peu farfouillé, quoi. D'abord sur le marché ou sur la zone où il a été tué? Mais sur la zone où il a été tué. Et c'est dans Justicienne d'où qu'il a été tué? Non, du coup, là où il a été tué, c'est sur la route du sud-est. Ok, parce que moi, je peux pas quitter Justicienne pour l'instant. Est-ce que au moment où tu parles de ça, vous êtes encore avec Pryl ou pas? J'imagine que si on a décidé quand où on allait à ce moment-là, oui, il était là. Ou simplement il te demande de rentrer avant la fin de la soirée. Très bien. Vous marchez donc en direction vous partez par l'une des portes est et vous traversez les chemins. Entouré de ces espèces de bidonvilles de ferrailleurs venus d'un peu partout dans le monde. Vous croisez également plusieurs groupes de voyageurs qui va et viennent à l'intérieur de la ville pour troquer leurs objets. Encore une fois, il y a beaucoup de ferrailleurs qui rentrent à Justicienne pour essayer de récupérer, de se reposer, de se mettre à l'abri le temps de l'hiver avant de repartir au printemps. Il y a les derniers groupes là qui arrivent en ville. Et il y a également pas mal de gens qui arrivent en ville actuellement. Puisque, pour rappel, y a une tempête qui approche, une espèce de grande tempête de poussière qu'on annonce, une tempête de sable. Et les gens viennent s'abriter en ville. En effet, au loin, vous remarquez que, au niveau de l'horizon, vous n'avez plus à distinguer ce dernier, la séparation entre le sol et le ciel comme avant, vous avez comme une espèce de dégradé, qui doit être une espèce d'amas de poussière rouge et de sable ambulant. Malgré tout, vous arrivez à vous rapprocher de la zone que vous souhaitiez, qui est du coup la zone où vous en avez été retrouvé mort. Vous connaissez la description et les coordonnées que vous en a fait Prael, plus l'emplacement sur votre carte. Et même si en effet la zone a plus ou moins été nettoyée, par nettoyer j'entendrais plus balayer que réellement passer au Karcher. Vous retrouvez des traces de sang un peu partout, le pauvre homme semble avoir été massacré. Mmh. Et un peu plus bas dans le fossé, vous trouvez d'ailleurs le cadavre d'un cheval. D'un cheval ? Oui. Et ce dernier semble d'ailleurs avoir été destitué de certaines de ses parties corporelles. Je vais regarder ça. Ok, fais-moi un jet de médecine. Ah, je suis mieux sur les chevaux. Ouais. En effet, en apercevant le cheval, tu remarques que des morceaux de ce dernier manquent. On parle pas d'une patte ou d'une jambe, mais de parties entières, par exemple, de son corps. En regardant plus clairement, tu remarques qu'il s'agit de morceaux découpés visiblement au gros couteau, comme des couteaux de boucher. Et tu penses que le cheval a simplement été victime de rapias qui traînent dans le coin et qui ont décidé de découper le cadavre pour le manger plus tard et que... Ça n'a pas l'air d'être le même, c'est trop précis pour être ce que tu as déjà vu précédemment. D'accord, mais ça n'a pas été arraché par quelque chose. C'est ça. Ça a été découpé minutieusement, certaines parties en tout cas. Ok. Ça a des fins alimentaires, quoi. C'est ça. Ok. Vous autres, d'ailleurs, je vous laisse me faire des petits jets de perception. Rien de plus banal qu'une carcasse d'un justicien. On en a fait une de plus. Moi j'en fais pas parce que je suis concentré sur le cheval. Oui, bien sûr. Trois réussites, dont un déclencheur. Ok. Deux réussites, dont trois déclencheurs. Ok. Et Flux. Deux réussites. Ok. À un moment, Mokoche et Jacquard, vous scrutez le même coin, de l'autre côté. Puis, en retournant au niveau du cheval et de Tori qui fait ses inspections, vous remarquez un peu plus bas quelque chose briller sous le soleil. Et en vous approchant, vous trouvez une lettre de change, puis une autre, puis encore une autre. Ces dernières semblent s'être envolées sans doute dans la cohue lorsque l'homme a été projeté de son cheval. Et parmi elles, déjà je vous laisse ajouter trois lettres de change à qui le voudra. Mokoche, il me semblait que t'en avais besoin. Et parmi elles, donc, vous trouvez également une espèce de bourse. Mais pas en mode le genre de bourse dans laquelle on met des pièces, mais plus allongée, comme plus un porte-monnaie en fait. En cuir. Pareil, plein de poussière, même justement un peu masqué sous cette dernière, semble avoir été envoyé là sous la cohue et sous le choc, il s'est recouvert de poussière, ce qui le rend assez difficilement visible de loin. En tout cas, pas depuis là-haut. Qu'est-ce que vous faites ? On ramasse ? Ok. Tu le dépoussières un peu, et j'imagine que tu l'ouvres. Oui. À l'intérieur, tu découvres une centaine d'autres lettres de change, 200 même pour être plus précis, ainsi qu'un document qui lui ressemble à une espèce de facture. Mmh. Et qu'est-ce que dit cette facture ? Elle fait mention d'un artefact vendu à un certain Johan. Pour le prix de 200 lettres de change. Je vois. Mais je vais demander à Flux. Flux, toi qui dois sûrement faire le tour des marchands de temps en temps. Mmh. Ça te dit quelque chose, Johan? Je vais voir dans ma mémoire vis-à-vis de mes contacts. Et Flux, tu te plonges en effet dans ta mémoire et me fais un G. Je pense que ça va être intellect, légende, et tu peux ajouter autant de dés que ton historique network. Ok. Avec une difficulté de 3. Ça devrait aller. Oui, ça te fait un jeu plutôt général. Ce truc. Attends. J'ai quand même sorti mes dés. Mais je sais pas où. Ah si, là. Trois réussites, un déclencheur. Parfait. En effet, tu vois de qui il s'agit, t'as déjà traité avec lui par le passé. Tu sais même où il habite, tu sais que c'est un des habitants du technocentre, et que c'est un ferrailleur qui est arrivé en ville il y a quelques semaines. Il a pas particulièrement de renom, c'est quelqu'un d'assez classique. Le genre de petit gars un peu sympa, un peu réservé, sur qui on sait pas grand chose, mais avec qui on aime bien traiter de temps. Il arpente souvent le marché, donc c'est pas improbable qu'en effet que l'homme décédé l'ait croisé. Très bien, je partage tout ça. Parfait. Vous partagez vos informations, du coup j'imagine que vous partez en direction de sa maison. À moins que vous souhaitiez faire autre chose avant, ça vous tourne. C'est quoi que ce soit que... Sur les lieux, est-ce qu'il y a des... tout le monde a regardé un peu Son jet de perception. Donc des traces de sang, d'autres. Quelques lettres de change qui traînaient, une espèce de petite de petit porte-monnaie et le cadavre du cheval, bon, qui lui pour le coup était assez visible. Voilà, donc il n'y a pas de traces de pas ou de choses qui pourraient être. Alors, si en effet vous voyez quelques traces, mais elles se perdent. D'accord. Il y a pas mal de vent en ce moment, donc. Ok. Je peux pas avoir de phrases, de traces distinctes, c'est comme si on était dans la boue ou dans un marais. Ouais, puis même il y a des gens qui sont passés depuis, il y a du passage quoi. Ok. Parfait. Là-dessus, vous retournez en ville. Alors que vous vous rapprochez des portes pour entrer à l'intérieur, vous observez un groupe de spitaliers passer et croiser votre route. Ils transportent avec eux une charrette dans laquelle vous voyez une dizaine de cadavres entassés les uns avec les autres. Je les salue. Vous voyez... Pardon ? Je les salue. Tu les salues, ils te saluent aussi. là-dedans, vous y voyez des vieux, des un peu plus jeunes, des enfants en bas âge. Ça paraît assez horrible, mais c'est vrai que malgré tout, c'est finalement plutôt classique. Les gens meurent. Quelle heure il est à peu près ? Pardon ? Quelle heure il est à peu près ? Là, vous êtes en début d'après-midi. Ok. Alors que vous rentrez à l'intérieur de la ville, d'ailleurs, vous êtes au bout d'un moment accosté par un vieillard. Sans doute un mendiant, vu ses habits. Il vous fait « Bonjour, vous auriez pas une petite lettre de change ? Ou deux ?» Vous savez, avec ce qu'il raconte, la tempête, j'aimerais pas finir dans l'une de ces charrettes, d'ailleurs dit-il en pointant cette dernière de la tête. Je lui donne deux lettres de change. Okay. De ta réserve personnelle ou avec ta machine ? De ma réserve personnelle. Je suis pas en manque. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Vous entendez ? Entendez quoi ? Vous prêtez un peu l'oreille. Et en effet, vous semblez entendre au milieu de tout le bourrois des gens qui traversent la ville, des gens qui parlent, des bruits des charrettes. etc. Une espèce de son un peu strident au loin. Le vent vient dans notre direction, il est porté par la tempête. Et ce que vous entendez là, c'est les cris des gens qui proviennent du hôpital. Les malheureux, on peut les entendre jusqu'ici. Et il vous regarde, comme s'il attendait une réaction. Qu'est-ce que vous lui donnez d'ailleurs comme réaction si vous le faites ? Je le regarde à travers mon masque. Vous voyez, inquiétez, il vous regarde à droite, à gauche. Quoi de plus normal qu'une charogne justicienne ? Moi, je le calcule pas personnellement. Ok, ouais, je continue d'avancer, tu vois qu'il a raison son coin. Vous marchez alors à l'intérieur de la ville, vous entendez de nouveau quelques appels des chroniqueurs. Diffusés depuis le serveur central. Puis vous arrivez finalement au niveau de la petite bicoque du ferrailleur en question. Vous avez une espèce de semi-terrasse empoussiérée avec une lanterne à insectes qui pendouille. Relié à un câble elle-même retenu à l'intérieur de la maison. Vous savez donc que ça sert à limiter la diffusion des spores à l'intérieur de la ville. Vous avez également de la ferraille entassée à droite à gauche juste devant. Vous vous doutez que du coup l'intérieur doit être complètement rempli et sans dessus-dessous de matériel. Et que il a décidé d'entreposer le reste à l'entrée là où n'importe qui pourrait venir se servir. Que faites-vous ? J'imagine que vous toquez à la porte, à moins que vous souhaitiez aller par la fenêtre ou faire le tour. Je pense que je vais prendre les devants, dans le sens où je le connais déjà. Ouais. Inférieur, je suis chroniqueur. C'est généralement un truc qui... Oui, en plus, ils ont plutôt un bon feeling avec toi. Très bien. Donc... Tu toques. Je toque. Tu n'as pas de réponse. Je retoque par sécurité. Avant de faire des bêtises. Toujours pas. Tu jettes un peu, tu sais, l'oreille en espérant entendre le bruit d'une chaise qui se reculerait ou des bruits de pas qui... Rien du tout. Est-ce que la porte est fermée ? Je veux dire, j'appuie sur un poignet, j'essaie de l'ouvrir. Alors, elle semble fermée en effet, mais elle semble surtout aussi en très mauvais état. Tu penses que si jamais tu forces un bon coup, t'as même pas besoin d'enfoncer la porte pour qu'elle s'ouvre. Hein. Le ferrailleur, lui, c'est vrai, trésor, il les enterre, il les cache pas dans sa maison à justicier. Oui. Ça, on connaît. Très bien. Bah, du coup, je jette un regard vers mes amis, qui vont très bien capter, et j'ouvre la porte en forçant un peu. Okay. Je te demande même pas le jet, tu forces un peu, et d'un coup, la porte, en tout cas la poignée, sort un peu de... Enfin, du coup, pas de ses gonds, mais de l'intérieur de... Bon, du mécanisme. Et du coup, la porte s'ouvre parce que le truc s'est retiré. Ça fait un petit peu de bruit, mais il n'y a personne vraiment autour de vous. Vous rentrez. Dans quel ordre est-ce que vous rentrez ? Prems. Logique. Deux. Je passe en dernier. Ok. Vous rentrez à l'intérieur. Et de ton côté, Théorique, au moment où tu t'apprêtes à refermer la porte... Juste derrière vous, au loin, donc, tu jettes justement ce fameux coup d'œil pour voir si personne vous a entendu faire du bruit. Et en effet, les gens semblent... vous êtes un petit peu à l'écart de la place du marché. Donc sont un peu plus loin, et tu entends leur brouhaha. Mais tu remarques quand même une silhouette vaguement encapuchonnée, très grande, qui se trouve à quelques mètres dans l'ombre d'une autre des maisons, et qui... Je sais pas, tu fermes juste la porte, t'as même à peine le temps d'y penser, en fait, tu t'en rends compte au moment où tu viens de fermer. Ok. À l'intérieur, vous voyez pas grand chose. Flux, j'imagine que tu allumes tes capteurs. Bien entendu. Au moment où la pièce s'éclaire, vous assistez à un spectacle assez étonnant. En effet, beaucoup de ferraille entreposées ici, partout. Il y a même pas à peine la place pour s'asseoir. Il y a un petit fauteuil au fond de la pièce. Mais vraiment, il faut imaginer des cadavres de vélos, d'engins, de machines, des bouts de fer tordus, des tuyaux rouillés. entreposée de partout comme une réserve dans laquelle l'homme irait piocher. Ensuite, il semble y avoir également une petite pièce à l'arrière. Peut-être une toute petite chambre à coucher ou bien des WC. Ou un vestiaire. Il semble y avoir une fenêtre à l'intérieur également puisque vous voyez de la lumière filtrée au niveau de l'ouverture. L'ouverture, par contre, cependant, est perpendiculaire à vous, donc vous ne pouvez pas voir ce qui se trouve derrière. Pas si c'est clair. Okay. Quelque chose, par contre, attire votre attention, c'est que sur les poutres ferraille qui se trouvent donc en face de cette rentrée là-bas, et donc par laquelle la lumière filtre, vous voyez quelques traces rouges parsemées ces dernières, comme si du sang avait été éclaboussé. Et en avançant vers cette arrière-pièce, puisque la première est vide de tout à part de la ferraille, vous observez du sang couler au niveau du sol. Moi, je vais approcher de ça, en fait, de ce sang. Pardon ? Je vais m'approcher de la zone où il y a du sang, en fait. Tu t'approches et du coup, tu te retrouves forcément face à cette fameuse entrée de l'autre pièce. Ouais. Et en jetant un coup d'œil à l'intérieur, tu remarques une porte sortie de ses gonds, ainsi qu'une silhouette de fenêtre complètement brisée, avec un bout du mur en dessous qui manque également. Et au sol, des morceaux de corps et de chair dispersés absolument partout. Exactement le même spectacle que ce que vous avez vu. Voilà, donc c'est... je reconnais le même procédé. Le sang est encore en train de couler. C'est le même procédé que la personne qui a été trouvée. Oui. Quoi. Ça y ressemble vachement. Tu vois un bras flotter à un endroit. Enfin, oui, oui, c'est éparpillé, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes venus avec moi, les autres, ou vous êtes encore de l'autre côté de la porte ou... Logiquement, je suis à côté, sans forcément être rentré, quoi. Oh, on n'est pas loin. Bah, okay. Du coup, je dis... je crois que vous devriez venir voir ça. Mmh. Et du coup, bah, je vous présente ce qu'il reste de cette personne. De ce certain Johan. Voilà. Ça avait l'air d'être un bon ferrailleur. En effet, tu reconnais d'ailleurs sa tête efflux à un endroit... Cette dernière a été assez amochée. Ses deux yeux semblent manquer comme si on les avait écrasés à l'intérieur de son crâne. Et la mâchoire du bas est manquante. Mais tu reconnais à peu près... Je pense que nos espoirs sont faibles, mais... La réaction la plus intéressante, je pense, qu'on puisse avoir, c'est de fouiller absolument toute sa maison, voir si l'artefact est encore ici. Très bien, je vais vous demander un jet de perception. Si ce qui me semble inespéré. On sait jamais. Perception, c'est ça Oui, instinct perception. Fouille, j'aimerais faire quelque chose... Avec une difficulté de trois. Oui. J'aimerais bien sortir. Je ne sais pas quelle taille il fait exactement. On n'a pas parlé de ça. Tiens, je te pose la question du coup. Vas-y. XP 19, 3, 15, 20, 20. Il me semble qu'on il est transportable. À peu près la taille de la paume d'une main. Sans doute un petit peu plus grand. Donc, c'est le truc que je peux transporter sur moi. On est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Oui, d'accord. Bah du coup j'aimerais sortir mon cher XP 19 3 15 20 20. D'ailleurs depuis la dernière j'aimerais... fois, si pas beaucoup de temps s'est écoulé, tu l'as légèrement perfectionné. Oui, de toute façon je vais travailler dessus de manière continue parce que j'ai quelques petits soucis avec mon travaux de nuit. Et j'aimerais juste en fait pouvoir le poster pour surveiller tout simplement qu'il n'y a personne qui est en train de nous surveiller. Tu sais à l'extérieur, tu sais j'aimerais juste le poster, en fait, par sa caméra, comme une personne qui surveillerait nos arrières. De l'extérieur. Exact. Et pour l'instant, je fais le jet. Parfait. C'est perception, hein. Moi, oui. Moi, c'est fait, déjà. C'est pas fou. Oui. De ton côté, Flux, tu ne trouves rien. De réussite, pourquoi ? Non plus, Mokosh. De ton côté, comment est-ce que tu as fait, Jacquard ? de réussite aussi. Ok. Toi, Jacquard, malheureusement, tu ne trouves rien non plus. En fait, t'as même du mal à fouiller, malheureusement, étant donné qu'il te manque deux membres. Tu peux difficilement t'abaisser ou autre, ça complexifie largement la tâche. De ton côté, Atorik, toi, tu effectues une fouille méthodique. Et tu ne trouves rien non plus. Flux, alors que tu regardes à travers les yeux de ton module, enfin de ton module, de ton mini-drone, on va dire, tu aperçois autour, en effet, un peu de mouvement. Tu redistingueras même, d'ailleurs, la même silhouette qu'avait pu apercevoir Torik un peu plus tôt, s'en aller. Une grande silhouette encapuchonnée disparaître à l'intérieur d'une ruelle. Ah, j'en parle. Oui, la seule personne qui se trouve dans la rue dans laquelle vous êtes actuellement. Tout le reste du monde, à part une vieille dame qui traverse un moment qui semble s'y diriger, mais a priori, tu la vois difficilement capable de faire ça. J'en parle aux autres. Ok. Toi aussi, tu l'as vu alors ? Oui, je l'ai même capté sur mon drone. Ouais, moi je... J'ai vu ça tout à l'heure, enfin je l'ai vu en refermant, il avait l'air de regarder. Tu nous as pas prévenu ? Ouais, j'ai pas pris ça pour... Je pensais que c'était juste une coïncidence, j'ai pas... Ça m'a pas plus frappé que ça, quoi. Il faut être un peu plus sur tes gardes. Hein. Ouais. Dans tous les cas, il a échappé à notre... surveillance vu qu'il vient de partir, mais... Dans tous les cas, il était même un petit peu loin. Il n'était pas juste en face de vous, sinon c'était un peu cramé. Dans tous les cas, on aurait pu réagir. Bien sûr. Au besoin. Tu juges quand même, en effet, qu'il était assez grand. Tu dirais qu'il fait minimum 1m80-90, hein, si c'est pas de taille. Après, malheureusement, avec la capuche, c'est difficile de savoir où s'arrête exactement le crâne. On a le souvenir de combien ça mesurait l'espèce de robot qu'on a vu dans la forêt. Tu vas me faire un jet d'intellect. Tu as focus ou pas ? J'ai focus, non, focus, ouais. Non, en vrai, un jet d'intellect. Légende. Je pense que c'est peut-être le plus. C'est la même chose. Autant. Avec une difficulté de 4. Ah ouais, malheureusement. Eh ben non, presque, mais non. Non, en effet, tu te rappelles que la machine que vous aviez vue était grande, mais tu pourrais pas juger, c'était il y a trop longtemps. D'accord. C'était... Que faites-vous ? Il n'y a rien d'autre à fouiller dans son chez lui. En effet, non, vous n'avez rien trouvé. Ok. Donc soit ce qui lui a fait ça a réussi à trouver ce que elle était cherchée, soit le ferrailleur a réussi à le vendre à un chroniqueur ou une chroniqueuse avant. D'accord. C'est une piste à quand même surveiller, même si ça m'étonnerait, peut-être venant du ferrailleur, on sait que l'artefact pouvait compter. Mais je vais jouer, mais... Sans doute, ce qui pourrait intéresser le ferrailleur, le bûcheron l'a vendu à un ferrailleur premier venu parce qu'il n'avait pas vraiment le temps et qu'il ne savait pas à quoi il a faire. L'intérêt du ferrailleur, lui, c'est de parier, on va dire, un peu sur l'objet en investissant du coup 200 lettres de change, de le décortiquer un peu pour voir ce que c'est exactement et ensuite le vendre à plus haut prix à des chroniqueurs. Il y a des alcoves de chroniqueurs qui sont faites exprès. De toute façon, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'allais faire jouer mes contacts. Voir si l'un d'entre eux a fait un achat récent sans poser directement la question. Je vais vous rendre vers l'alcove de chroniqueur la plus proche et tu vas me faire un jet de charisme leadership avec allié en bonus ou autorité, comme tu veux. Oula, attends, j'ai pas assez de dés. Ah. J'en ai pas sorti assez. Ça va être un jeu assez généreux, alors. Oui. C'est 200 dés. Plus ou moins. Tu vas faire plus que 12 dés. Tu devais faire 13 dés, t'aurais 12 dés à lancer et une réussite automatique. Non, je crois que c'est un déclencheur automatique. Ouais, je regarde. J'ai 9 dés. Et j'en ai sorti 8. Joli, je crois qu'on a rarement eu 9 dés à lancer. Je pense pas non. Ok, alors du coup, ça fait 5 réussites, un déclencheur. Ok. Vous vous rendez donc au niveau l'une des alcoves de chroniqueur. Là-bas, vous y voyez cette espèce de petit marché ambulant où vous voyez justement les ferrailleurs négocier avec ces derniers. En fait, négocier pas vraiment. Les ferrailleurs arrivent, déposent des objets, disent ce qu'ils en peuvent rapidement. Les chroniqueurs leur annoncent un prix et prennent l'objet ou alors les ferrailleurs repartent avec. Pour la plupart, ils déposent ce qu'il faut. Vous voyez aussi ici qu'il est possible à l'intérieur de l'alcôve, donc là où les chroniqueurs vont récupérer ce qu'ils ont, qu'il est possible d'échanger ces lettres et également de passer des messages. Pour rappel, Thoric, d'ailleurs, tu t'étais rendu dans une alcôve de chroniqueurs pour contacter l'hôpital il y a fort longtemps. Oui. Mais nous ne reviendrons pas sur ces éléments. De ton côté, du coup, Flux, tu te mets à discuter avec eux et tu leur parles un petit peu de la transaction. Vu que tu connaissais également le chroniqueur qui était impliqué, tu peux assez facilement leur dire de qui il s'agissait. Oui, Joanne, tout ça. Et tu tombes finalement sur une certaine Python. Certaine quoi, pardon ? Python. Bah, Python, d'accord. Ok. Oui, comme. Qui, elle, te dit en effet avoir eu affaire à ce fameux ferrailleur. Et tu peux m'indiquer déjà quand, savoir si ça rentre dans mon enquête. Tu peux donner une période. Hein. Je vais vous donner le temps exact. À ce moment-là, elle te sort le livret de compte dans lequel, enfin le livret de compte, la base de données de compte dans laquelle tout est stocké sur une phase de flux statique. Et en effet, tu sais que l'homme est passé il y a très exactement 1h et 34 minutes. Très intéressant. Bon, on peut savoir exactement ce qu'il a déposé ici. En effet, nous l'avons même toujours en stock. Je le vois. Vous laissez l'accréditation à vos coéquipiers de pénétrer à l'intérieur de l'arrière-base. Oui, j'ai confiance en eux. Okay. Elle te fait confiance, t'es pas n'importe qui non plus. Et du coup, vous pénétrez à l'intérieur de l'arrière-salle, dans laquelle de nombreux artefacts sont stockés, tandis que des jeunes chroniqueurs tentent plus ou moins de toucher à nos trois, ou à certains d'entre eux, sous la tutelle d'un chroniqueur qui a l'air d'être haut placé. Elle vous accompagne au niveau des espèces de petits emplacements de rangement, où en effet, elle récupère une espèce de petit sac en cuir, et l'ouvre pour vous laisser apparaître une espèce de petit objet brillant qui s'illumine et s'éteint. Vous en déduisez donc qu'il a été rangé dans le sac pour éviter de gêner, puisqu'il semble en permanence clignoter. L'objet correspond à la description de Praël, non ? Oui, à peu près. Bon, je demandais ça à mes amis pour le RP, mais... Possible. Je l'ai pas trop écouté pour être honnête. Ça m'a l'air de correspondre. C'est la seule chose que Johan nous a apporté aujourd'hui. J'aimerais parler, si ça te dérange pas, Python, 2 minutes avec mes amis. Je te promets que rien d'ici sera. Enfin, les autres gens sont là, mais juste que tu t'éloignes un peu, quoi. Pas de soucis, je vous fais confiance. Merci. Elle retourne de l'autre côté. Du coup, il avait demandé quoi après. Il y a même d'autres chroniqueurs, ils étaient mais voilà. C'est ce que je disais, c'est pour ça que je lui avais juste demandé de s'éloigner un peu, pas forcément de partir de l'autre côté. Du coup, Praël, il avait demandé qu'on lui ramène ou pas l'objet. J'ai un trou de mémoire. Pas forcément. Il faut qu'on mette la main sur celui qui a... Oui. Voilà. C'est la première des choses. Maintenant, l'objet, on ne sait pas... Enfin... Mais pas semblé que... Normalement, il est quand même en sécurité. Voilà. C'est le plus important. Même si, visiblement, la chose cherche l'objet... Et il arrive à vient de décimer... Et il arrive à le trouver. Le truc, c'est que... Si jamais elle fait une descente ici, ça m'embêterait un peu. De toute manière, je suis contre le laisser ici de base. Est-ce que tu sais ce que c'est, Flux, que cet objet? Oui, d'ailleurs, j'analyse un peu plus en détail, du coup. Moi, un jet d'artefact engineering. Tout à fait. Attends. Artefact engineering? Ouais. C'est-à-dire exactement C'est intellect engineering. Attends. Intellect. Oula, attends. Non, intellect artifact lore. Désolé, j'ai tout confondu. D'accord. Je peux le faire aussi ou pas? Enfin, est-ce qu'on peut le faire nous aussi ou pas? Tu veux. T'as moins de chance de réussir que Flux, mais tu peux. Ça va. 4 réussites. Similaire par le passé. Aucun déclencheur. Okay. Combien de récits tu m'as dit? 4. Ok, c'est suffisant. Et de ton côté, Toric, tu en as fait 3. Un déclencheur. En effet, tu sembles réaliser qu'il s'agit d'une genre de balise qui semble s'être activée d'une manière ou d'une autre sans trop savoir comment. Le fait qu'elle émette de la lumière ne semble pas vraiment, on va dire, normal, ça semble pas être sa fonction première. Et à l'intérieur, il semble avoir des données qui y sont enregistrées. Donc tu pourrais, si tu souhaiterais, y jeter un coup d'œil, potentiellement pas là tout de suite, mais... Tu... Oui. Je vais demander l'autorisation à récupérer l'objet, quitte à devoir donner des lettres de change, genre de choses comme d'hab. De toute façon, je suis riche. Non, c'est bon, tu as un score de 2 en ressources, en origins, donc on te l'autorise. T'as très bien. Suffisamment. Voilà. T'as ces accréditations. Très bien. Bon, il y a un avantage, en tout cas, c'est que on cherche la chose qui a fait ça, la chose cherche l'objet, donc si jamais elle nous trouve, on la trouve. Oui. C'est ça. Elle viendra à nous directement avec cet objet. Exact. Du coup, j'espère que cette silhouette a continué à nous suivre pour qu'elle nous voit bien sortir de là, en ayant conscience qu'on a un objet. Ça serait bien pour éviter un massacre inutile. J'imagine trop les mecs qui... Dans ce cas-là, Mokosh, je te demanderai d'être assez vigilante et avoir la main ferme sur ton espadon. Je suis prête. Ne tue pas non plus qui tout le monde, hein. Oui, enfin bon, si cette chose se pointe vers nous, vu ce qu'elle a je fait, suis d'accord, je pense qu'il vaut mieux... Mais visiblement, elle a l'air d'attaquer quand même dans des lieux isolés. Elle a pas attaqué Joanne en plein milieu de zone marchande et elle a attendu qu'elle soit chez lui. Pareil, l'autre est en train de repartir. Donc je pense que elle nous attaquera pas là dans la rue. Par contre, à mon atelier, il y a de fortes chances qu'elle nous piste. Oui. Du coup, où est-ce que vous vous rendez exactement? Alors, j'ai une chose, parce que je pense que l'atelier, ça peut être bien, même si, quoique peut-être pas, parce que j'ai quand même des gens là-bas qui... je tiens un peu. Mais d'un côté, si on est plus nombreux, c'est bien. Mais il faut aussi qu'on fasse gaffe à l'heure pour cette histoire de rendez-vous à la porte Est, qu'on a toutes les nuits, parce qu'on sait pas laquelle est la bonne. Du coup... Là, vous êtes toujours en plein après-midi. Ok, donc on a du temps devant nous. Vous avez plusieurs heures devant vous. Tu sais également. Oui. Oui. Tu sais également que. Il y a des zones un petit peu, on va dire, dites de hangars qui sont vides et isolées au niveau de du quartier de Stukov. On pourrait potentiellement, si jamais tu voulais un endroit, on va dire, avec beaucoup d'espace et probablement vide. Alors, je vais. Juste regarder où se trouve ce fameux quartier. Mais on va dire, voilà, il risque pas d'y avoir tes petits protégés ou du matériel que t'aimerais pas avoir endommagé. Le quartier de Stukov, c'est un peu plus au nord de la ville. Ouais, globalement, c'est un quartier, on va dire, un peu pauvre, un peu craignos. C'est un peu éloigné de la porte Est, quand même, là, non? Si je regarde. En effet, c'est un petit peu éloigné, ouais. Puisque vous devez passer sous la passerelle et notamment la grande place. Maintenant, c'est pas trop compliqué non plus, tu vois. Est-ce que dans le quartier de flux, genre dans The Crack, il y aurait pas des zones de stockage ou rien du tout, enfin... En effet. Ah, il y en a, et il y en a même plus proche de la porte Est, puisqu'il y a beaucoup de camps de ferrailleurs qui s'installent aux abords des villes. Bah, du coup, on va se poster là-bas. Comme ça, on fait deux en un, on surveille la porte Est, et en même temps, on se met à disposition pour se faire attaquer par un truc mortel. Parfait. Donc, c'est voilà. Bah, si personne me contredit, bah visiblement. Bah oui, on s'y rend, on s'y rend. Là, faut y aller, là. Je me mets quand même sur mes gardes. J'essaye de temps à autre, pendant qu'on est sur la route, j'essaye de regarder à droite, à gauche, prendre attention si on est suivi ou s'il y a quelque chose qui nous mate de loin. Ok. Si jamais c'est positif, c'est mieux pour nous. Parce que de toute façon, on sait qu'elle va nous traquer et... Faites-moi tous un jet de perception, instinct perception. 8. 8? Non, j'ai juste oui. Ah, d'accord. Waouh, sacré personne. 8. J'ai que 3D et je peux pas faire. Ouais. Ils ont pris des niveaux. 8 réussites, dont 8 déclencheurs. J'ai fait 3 réussites. À travers les murs. 2 réussites. J'ai une difficulté de 3, donc il fait que ça réussit pour l'instant. J'ai fait 3 réussites, c'est ça? C'est bon? Oh, tout pareil! J'attends juste le résultat de Jacquard. Ouais, 3 réussites, dont un déclencheur. Oh. Bon, on est bon, on est bon, on est bon! En effet, vous marchez. Au moment où vous sortez, Torik, vu que vous êtes un petit peu concerté avant, il semble en effet distinguer, au niveau de l'une des ruelles, à nouveau, cette plus ou moins cette silhouette. Alors, tu sais pas si c'est exactement elle ou pas, mais en tout cas, une silhouette encapuchonnée assez grande. Qui recule au moment où vous arrivez pour se cacher dans la pénombre. Étant donné que vous partez du principe qu'il s'agit potentiellement de la personne que vous tentez d'attirer, enfin la personne. Oui. Vous décidez de vous mettre bien en évidence au milieu de la route, tandis que vous empruntez votre chemin bien tranquillement. À deux doigts d'hurler. Eh, hey, c'est nous qui l'avons. Flux. Oui. Vous savez, le soleil trouve actuellement derrière vous. Vous remontez. Et tu as les ombres portées des bâtiments. Et au niveau de l'ombre portée de l'un des toits, tu remarques une silhouette humaine, comme si elle se trouvait droite sur le toit en train de vous observer en bas. Est-ce que c'est clair? Je pense. En gros, tu arrives à comprendre qu'il y a quelque chose qui se trouve au-dessus de toi. Oui, oui. Parce que tu distingues son ombre. Nous surveiller. Après tout, elle a l'air parfaitement, pour l'instant, on va dire immobile, même presque passive. Tu penses d'ailleurs que ta déduction de comme quoi elle n'attaque pas en public ou autre est plutôt cohérente avec cette attitude. Est-ce que tu fais mine de pas l'avoir vue? Est-ce que tu te retrouves? Ah oui, totalement. Ok. Vraiment, nous tout ce qu'on veut de toute façon c'est qu'on nous traque. Donc maintenant ce qui me fait peur c'est peut-être qu'il soit peut-être plusieurs. Mais bon. Ok. On va voir ce qui. Vous continuez de marcher. Et toi, Flux, un peu. Flux, Jacquard, un peu plus tard, tu trouveras sur la route, en tout cas sur la ruelle dans laquelle vous êtes en train de vous emprunter en direction des fameux endroits, quelques traces de végétation sur le sol derrière vous. Pareil, tu les vois légèrement tomber comme portées, on va dire, des traces de végétation. Oui, et ce qui est plutôt étonnant. Mais quand je dis ça, c'est par exemple quelques brins d'herbe enroulés qui semblent tomber par terre. Et tu sais pas quoi en déduire de plus, mais je sais là. En tout cas, je vais essayer de, malgré mon handicap, de ramasser un brin d'herbe pour respecter un peu ça. Ok. C'est tout ce qu'il y a de plus normal ou... Non, justement, à Justicia, il n'y a pas beaucoup de végétation. Si c'est pas à dire, pas du tout. Ouais, mais comme, est-ce que c'est vraiment, c'est genre, je suis capable de dire, c'est juste un brin d'herbe. En fait, t'en déduis assez rapidement que ce serait là le truc d'herbe qui se colle sous ta chaussure un peu embouée et qui tombe alors que tu te déplaces. Et il y en a beaucoup ? Non, pas du tout. À peine. Dans tous les cas, vous arrivez au niveau de ces fameux entrepôts. Est-ce que vous allez demander après elle de vous rejoindre ou vous faites ça de votre côté ? Il vous a dit qu'il pouvait vous aider si vous avez besoin d'aide. Ah, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir une aide. Bah, après, parce qu'on sait qu'il risque d'avoir confrontation. Après, elle, il est où normalement, à la base ? Là, à ce moment-là, il doit être au niveau de sa caserne. Et qui est dans... Alors, la caserne qui est... L'attendre. Après, hein, vous pouvez envoyer un messager. Oui, parce que sinon, on n'a pas le temps physiquement, nous, d'aller là-bas le voir. Mm. Ok. Du coup, vous le faites ? On envoie un messager ? Ouais. Je laisse un entre vous dire une ou deux lettres de change. De ça. Salut, Hugues, salut. Qui c'est qui règle ? Bon, je vais payer, moi. C'est combien ? Je vais mettre 3. Allez. Oh, quel gentillesse. Ruiner. Normalement, c'est après elle de payer, là, non ? Oui. Oui, d'ailleurs. Ouais, hey. C'est lui qui reçoit, qui paye. Et accessoirement, on travaille pour lui, là. Donc, c'est pas nous payer. Comme je l'avais dit la dernière fois, ça dépend un petit peu, on va dire, des mœurs, puisque... Mais oui, en effet, c'est pas... Je paye pas alors. C'est après elle de payer parce que c'est pour lui qu'on bosse là. On doit s'assurer que le message va se transmettre. Ouais, mais t'inquiète, il veut son oseille. Non, mais c'est la raison même, on nous l'a dit, pour laquelle c'est la personne qui reçoit qui paye. Ouais, exactement. Parce que sinon le mec peut partir juste avec l'argent. Voilà, c'est ça. Donc il va y aller le gamin. Là, on est en train d'écrire le message sur le bout de papier. Enfin, non. Non, vous le dites à l'oral. Ouais. Un peu plus tard, assez rapidement, en fait, en moins d'une heure, vous vous trouvez à l'intérieur de l'un de ces entrepôts. Vous voyez qu'il y a plusieurs entrées. Il y en a une petite. Alors, on imagine une espèce de grand hangar en tôle et en métal. Vous avez simplement une espèce de grande entrée principale avec un rideau de fer qui a été abaissé. Une petite entrée qui, elle, se trouve sur l'un des côtés, ainsi qu'un escalier qui donne, lui, sur un bureau à l'arrière, en dessous duquel se trouve également une porte qui semble mener vers l'extérieur. Malgré tout, ça fait quand même que très peu d'accès pour un si grand bâtiment. À l'intérieur, vous avez quelques chaises et quelques tabourets qui traînent. Vous savez que cet endroit, pour l'instant, est plutôt déserté. Ce que je propose, c'est qu'on s'installe réellement pour faire quelque chose. Dans le sens où si on reste tous les quatre prêts à se battre debout, tu sens venir le guet-apens. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Il faudrait mieux feindre, et justement. Faut voir ce qu'on a à disposition. Je veux dire, vous, ce que vous avez là. Déjà, on peut s'installer, peut-être faire un. Il n'y a pas grand-chose d'utilitaire, mais voilà, ouais, vous avez des fauteuils, vous avez. Des morceaux de ferraille qui traînent sur les côtés, vous avez de la poussière, vous avez des petites bestioles qui se baladent le long. Après, on peut très bien être assis en train de discuter. Voilà, c'est pas être assis, c'est pas une posture d'attaque ou de voilà. C'est quand t'es assis, généralement. Et, je vais sortir l'artefact pour déjà vraiment le vérifier et ensuite ça permettra de justifier peut-être notre isolement. Ok. Est-ce que tu souhaites essayer d'analyser les données qui se trouvent à l'intérieur ? Je savais que tu pourrais... Oui, si c'est possible, oui. Ok. Et bien dans ce cas-là, refais-moi un jet d'intellect, artefact lore. Avec c'est trop bien, j'ai plein de... Moi, je vais me rouler un cigario. Ok. Pendant ce temps-là, Jacques a de fumer. Mokosh, qu'est-ce que tu fais, toi ? Je m'assis et j'attends. Ok. Et moi, j'observe. Ok. Parfait. Efflux, tu arrives à débloquer les données qui se trouvent à l'intérieur de l'artefact, sans l'éteindre. En effet, déjà, tu arrives à comprendre que... je vais te faire la version un petit peu vulgarisée. Hein. que si l'artefact se met à s'illuminer comme ça, c'est plus en mode justement signal de détresse. Et tu sembles supposer que c'est ça qui a renvoyé, en tout cas qui attire la machine de Hamsugo. Mais tu arrives à obtenir quelque chose de bien plus intéressant à l'intérieur en scrutant les données exactes de ce que était cet artefact exactement. En fait, il semblerait qu'il s'agissait de quelque chose, comment dire, de reconnaissance, d'identification. Comme peut-être un espèce de grand bracelet mécanique ou quelque chose comme ça. Puisque tu trouves également une identité associée ainsi que un visage et des moyens de détecter ce dernier. Et tu vois d'ailleurs apparaître le visage d'une petite fille. Et tu as également un nom et un prénom qui apparaît. Ainsi qu'une date de naissance. 2084. Et on a... Bien longtemps. Je peux avoir l'identité ou... En effet. Elle s'appelle Marie Chanel. Je t'écris. Je partage tout ça en direct aux gens qui m'entourent. Ok. Tu sembles également comprendre, et malheureusement ce sera les dernières choses que tu pourras en tirer, l'artefact semble être assez vieux, et finalement ce qui fait qu'il vient de s'activer semble plus être un genre de dysfonctionnement que quelque chose par exemple de manuel ou autre. Ça semble être, comment dire, quelque chose de... justement une balise de protection. En tout cas, l'encontre de cette petite... Ok, oui. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que la machine attaque. Peut-être. Je le partage plus à mes amis qu'au MJ. À ce moment-là, vous entendez un grand fracas, comme du métal en train de se tordre. Et au niveau de l'une des entrées, vous voyez le commissaire Pryl apparaître, en refermant la porte difficilement. Vous voyez que cette dernière est un peu enrouillée, sans doute pas huilée depuis un bon bout. J'ai bien reçu votre message. Alors, vous l'avez trouvé ? On a l'artefact. Et de ce qu'on sait, elle attire cette chose. Et j'ai peut-être un début d'explication du pourquoi. Cette balise, c'est une balise plutôt de protection, qui servirait plutôt à protéger quelqu'un. Et on a notamment une identité qui est liée à ça, d'une personne qui est née il y a bien 500 ans de ça. Et... si elle brille actuellement, c'est qu'elle est actuellement en mode détresse. Donc, il est fort probable que cette machine, si elle a survécu, de, comme vous le disiez, depuis il y a bien longtemps, elle est juste en rente, en fait, d'effectuer sa mission, qui est de protéger cette gamine, qui est sûrement morte, entre-temps. L'artefact marcherait donc encore après tout ce temps. Impressionnant. C'est totalement incroyable, en termes de... Ce serait pas la première fois qu'on aurait trouvé, mais en effet, impressionnant. À ce moment-là, il jette un coup d'œil aussi au niveau des entrées, et puis retourne vers vous. J'ai prévenu deux, trois autres personnes qui me doivent un service de venir nous joindre aussi vite que possible. J'espère qu'ils arriveront à temps, il va falloir que les messagers parviennent jusqu'à eux. Vous pensez savoir où elle se trouve actuellement ? Alors on ne sait pas, on a été plus ou moins surveillé toute la journée, et fort probable que soit elle est déjà en route ou quelque chose du genre. Très bien. C'est pour ça qu'on est isolé. En effet, là, depuis le temps, le début de soirée commence légèrement à arriver. Le soleil au loin va légèrement commencer à disparaître, alors on n'est pas face à un coucher de soleil, mais... face à... voilà... ce dernier qui s'éteint, surtout en hiver, se couche plutôt tôt. Un peu plus tard, vous êtes rejoint par Malware, le chroniqueur. Certains d'entre vous l'avaient déjà rencontré, il avait déjà eu affaire avec lui. Il est plutôt discret et semble être un collègue de Prayel. Il avait également travaillé sur l'affaire en commune à l'époque et s'installe de son côté en... comment dire, en entretenant son équipement. Donc, vocodeur, tout ça. Un peu plus tard, je vais vous demander de me faire un jet de perception. Bah, j'attends un peu plus tard, alors. Ah, deux réussites. Une réussite de déclencheur. En effet, au bout d'un moment, vous commencez comme ça à être certains d'entre vous, en tout cas, interpellés par quelques bruits au niveau de la toiture du hangar sur lequel vous vous trouvez. Le bruit du métal qui se craque ou de la tôle qui gondole un peu. Je sais pas si vous voyez cette espèce de chlung. À ce moment-là, quand vous commencez tous à peu près à comprendre ce qui est en train de se passer, vous ne pouvez vraiment vous empêcher de jeter un léger coup d'œil au niveau du toit. Il se trouve à quelques mètres de vous. Il semblerait que quelque chose marche à ce niveau-là. Et quelque chose de plutôt épais. Mais seul. Contrairement à ce que tu pouvais éventuellement suggérer, Flux. Et presque... mieux. Clairement. Moi, ce que j'aimerais, vu que ça risque de péter assez rapidement et que de toute façon, bon, j'ai une petite arme de corps à corps qui n'est pas forcément le plus pratique, c'est demander à Malware de me couvrir et j'aimerais passer encore un peu plus de temps sur cet artefact pour voir si je peux trouver la possibilité de le désactiver. Ça pourrait servir pour rendre cette chose... parfait. Pacifiste, une fois qu'elle est face à nous. Je vais te demander dans ce cas-là un jet d'intellect engineering. Et pour la théorie. Enfin, je te dirai la réponse plus tard, mais tu vas le faire maintenant. Voilà, c'est ça. Je comptais le faire sur la durée, parce que je suppose que j'ai pas trouvé ça en deux secondes. Donc, oui, c'est ça, exactement ça, c'est un truc qui va prendre du temps. Mais par exemple, exactement. Si tu as un coup de déclencheur, ça ira plus vite. Ok. Oh, c'est pas si ouf. Trois réussites, un déclencheur. Ok. Tu commences à jeter un coup d'œil au truc. En effet, tu vois Malware qui se place à ton niveau. Vous commencez à vous rendre compte que les choses vont sans doute vite se brusquer. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs en attendant, vous autres? Ah ben moi je suis sur le qui-vive. Hein. Okay. En mode je regarde un peu partout. Tu récupères quelle arme de ton côté, Toric? Ton dilacérateur Moi j'ai mon dilacérateur, ouais. Pour l'instant. Okay, de ton côté, Mokoche, ton espadon, j'imagine? J'ai que ça de toute manière, je me lève et je me prépare à... Et les outils tatouage aussi. Mais, oui, mais... Bon. Et qu'est-ce que tu fais du coup, Jacquard? Oui, du coup, je vais... oui, je vais hisser mon marteau de façon à pas être, comment dire, handicapé, à pas devoir... à pas perdre l'équilibre si jamais je suis surpris, okay. Qu'il soit assez haut, quoi. De son côté, le commissaire Prayel recharge son mousquet. Puis, les bruits de pas commencent à reprendre. Et à s'arrêter d'un seul coup. À ce moment-là, au niveau du plafond, vous entendez le bruit d'un choc. Et vous voyez l'intégralité de celui-ci au niveau d'une zone d'environ un mètre céder et voyez la silhouette, une silhouette gigantesque qui doit faire au bon mot 2 mètres, encapuchonnée, commencer à littéralement tomber en direction de Malware qui se trouvait juste à côté de toi et Flux. En l'espace d'une seconde, tu vois ce dernier éclater au sol sous une silhouette imposante qui est métallique. Tu vois qu'elle porte une espèce de cape juste derrière elle. Elle est équipée d'une espèce également de marteau qui tombe juste à côté, mais pour l'instant se bat à main nue. Malware est complètement explosé. Tu penses qu'il a sans doute d'ailleurs perdu... il a dû se briser un bras dans l'occasion. Il faut imaginer qu'il vient de se prendre plusieurs centaines de kilos dans la gueule. Alors, moi je me lève pour courir. Ok. Parce que du coup elle est proche de moi. Et je vais hurler aux autres de me couvrir les arrières pendant que je vais essayer de m'isoler. Enfin, je vais faire ça tout le long. M'isoler, réparer, courir, réparer. Ce que tu m'avais dit tout à l'heure, en effet, tu penses qu'il peut y avoir un moyen de le désactiver. C'est simplement une question de signal que tu es en train de lui envoyer. Au moment où tu commences à partir en courant, tu vois le visage de la créature encapuchonnée qui se retourne d'un coup vers toi. Et tu distingues du coup cette espèce de tête métallique complètement plongée dans l'obscurité de sa capuche, avec seulement ses yeux en train de briller. Tu remarques également qu'elle est couverte de part et d'autre de traces de végétales, du lichen, un peu de lierre qui s'est enroulé le long de sa jambe ou autre, mais forcément tu cours, t'as pas tant le temps de voir plus que ça. Je vais vous demander de me faire un jet d'initiative, ça fait très longtemps. Soit un jet de psyché réaction. Pour rappel, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 3 points de dés pour jeter des dés. Alors là, on avait récupéré nos égos là, enfin, on était à fond. Hein. Là, vous êtes à fond. Attends, faut que je me rappelle. Alors, dans la fiche, elles sont en blanc. C'est en blanc les points d'égos dans la fiche. Oui, mais tu peux les regarder aussi directement depuis le channel. Tu vois par exemple que toi t'en as 10 sur 10, Mokosh en a 12 sur 12, Flux 10 sur 10, et pour l'instant Jacquard 10 sur 10. Ok. Pareil pour vos points de vie, pour l'instant vous êtes tous au maximum, ainsi qu'au niveau de sport vous êtes au minimum. Alors, c'est quoi déjà initiative, je trouve pas. Initiative réaction. Alors, de ton côté, Flux, c'est un ego. Donc on peut dépenser de l'ego pour... Pour avoir le droit de jouer des dés supplémentaires à ton test d'initiative et à ton premier test de combat. Ok. Ok, bah je vais prendre deux ego comme... comme... me coche. Quel jet dégueulasse. Ah oui. Bah c'est dégueu. Ah il est tout moche. Et de son côté, je vais faire son test d'initiative avec Sadie. Et c'est une machine, elle n'a pas de point d'équipe. Putain, je sers vraiment à rien contre. Et j'ai fait 4 réussites, dont 3 déclencheurs. Donc elle aura le droit à 2 actions. Que, il me semble que si tu les deux déclencheurs, je vais vérifier. Et moi aussi, du coup, j'ai deux actions si c'est deux déclencheurs. Ouais, c'est une action supplémentaire tous les deux déclencheurs, donc tu as le droit également à deux déclencheurs. Heureusement qu'il y en a qu'une. Il faut faire deux ou quatre. Parfait. De son côté, je vais pas gérer les PNJ, ils vont agir en parallèle, sinon ce sera trop compliqué. À part les ennemis. Très bien. Vous allez donc jouer en commençant du coup par cette créature. D'ailleurs, dites-moi donc simplement qu'est-ce que vous vous projetez de faire. Donc je l'ai déjà dit, mais... Oui, toi, peut-être c'est déjà fait. Mokosh, foncer et frapper. Ok, parfait. C'est dingue, j'avais un programme plutôt similaire. Et là, Shigom Sumo en premier. Très bien. Alors que tu fonces vers elle, Mokosh, tu vois que... de ton côté, Flux, je vais te mettre exceptionnellement à la fin, mais tu auras le droit à tes deux actions. Mais puisque tu as déjà agi, tout ça. Tu la vois se ruer dans ta direction. Tu peux d'ailleurs contempler le corps de Malware en train de saigner à travers son armure. Est-ce que tu tentes de l'intercepter? Question pour dire, est-ce que tu fais une défense active ou passive? Ouais, défense active. Ok. Dans ce cas-là, je vais te demander de me faire un jet de... Soit, si tu souhaites parer son coup, tu vois qu'elle se rue sur toi et qu'elle s'apprête à donner un coup avec le marteau, tu me fais un body melee si tu veux parer, ou alors tu me fais un agilité, mobilité si tu veux esquiver. Je vais parer. Donc c'est melee, ça tu m'as dit? 4 réussites. Parfait. Je vais faire manger également. 52 réussites. J'ai 8 dés. Quoi ? Et pourtant, mais incroyable. Il va faire une réussite. Promis, j'ai fait un échec critique. J'ai fait deux réussites. C'est pas ces dés-là, c'est ceux-là. J'ai fait 3 têtes de mort et 2 réussites. Donc c'est du critique. La créature se rue sur toi, Mokosh. Tu vois, elle est imposante. Elle est là, elle fait au moins 2 mètres. Et au moment où elle arrive dans ta direction, tu plantes ton espadon à l'intérieur de son mécanisme et tu vois qu'elle se retrouve complètement bloquée au-dessus de toi. Jakar, Torik ! Qu'est-ce que tu fais de ton côté, Torik ? Je me précipite vers le chroniqueur blessé pour lui faire les premiers soins. Ok, parfait. Dans ce cas-là, tu vas me faire un jet d'intellect médecine, s'il te plaît. Et je rajoute mes 2 égos que j'ai utilisés. On est d'accord? Ouais. Oui, bien sûr, ouais. D'ailleurs, tu l'avais fait pour ou pas? J'ai oublié, je sais pas si tu l'as rappelé. De quoi? T'avais rajouté tes 2 égos ou pas? Et t'as dépensé combien d'égos, toi? J'en ai dépensé 2, mais oui, je les ai utilisés quand j'ai jeté. Parfait. Donc là, ça me fait 9 dés. Intérêt d'être bon. Voilà, monsieur. 5 réussites dans un déclencheur. Non, attends, si ça, 5 réussites dans un déclencheur. 5 réussites dans 2 déclencheurs ? Un seul déclencheur. Ok. C'est plutôt net. Alors, tu vois qu'en effet, une partie de son bras a été écrasée sous le poids de la chose, et notamment a été broyée sous ses imposantes mains, mais c'est pas une blessure mortelle. Tu tentes vite fait de le prendre en charge. En fait, le seul truc qui est plutôt problématique, c'est qu'une partie de son armure vient de rentrer à l'intérieur de la blessure. C'est les fragments. Ouais. Et ça, c'est problématique pour le coup. Ouais, enfin, j'essaie de voir, enfin, de le stabiliser. Voilà, pour pas que. Pendant ce temps-là, Jakar, est-ce que tu es de nouveau parmi nous? Oui, mais je n'ai plus ma fiche, malencontreusement. C'est pas grave, au pire, je pourrais donner tes scores de dés à faire. J'ai ta fiche, je voulais dire. Ok. La situation, on a vite fait passer ton tour, mais ça n'a rien changé puisque Torik, lui, s'est jeté sur le chroniqueur blessé pour aller le soigner. Et Mokosh, elle est en 1v1 avec la créature et réussit par miracle à planter sa lame, la lame de son espadon, à l'intérieur. En fait, elle a traversé, on va dire, une partie métallique. Elle a pas percé le truc, mais elle s'est rentrée à l'intérieur du mécanisme, qui était déjà partiellement ouvert, et ça a réussi à bloquer le coup. Est-ce que t'en profites pour agir d'une manière ou d'une autre? Ouais, je vais immédiatement prendre mon crossbow et le lancer de toutes mes forces, taper avec dans ses jambes, et je voudrais... Ok, très bien. C'est plutôt malin parce que du coup, t'as vu pas mal le malus que j'ai donné vu que t'allais devoir te déplacer avec la déquille machin. Et vu qu'en plus, t'as pu plus ou moins prévoir le coup, je vais te demander un petit jet de body force. Donc avec un malus de 2. Ça me fait combien de dés? Ça te fait 3 dés. Ah bon. Plus ton ego, donc ça. T'as dépensé 2 dégâts. Ouais. J'ai plus de jeu aussi, je crois. Pour l'instant, je suis toujours mieux. Ok, et c'est bon. Également une défense passive. Quoi? Non, de mon côté, je dois faire une défense passive, donc une défense de 2, il faut que tu fasses 2. J'ai fait une réussite et une tête de mort. Ah, malheureusement, tu essaies de jeter le marteau, mais tu vois que ce dernier tombe trop près de toi et enfin, du coup, ne l'atteint pas. Tu vois quand même que la chose se retourne un peu vers toi et t'arrives plus ou moins à cerner que ses mouvements sont assez optimisés, quelque chose de plus mécanique, mais justement un peu pâteau ou un peu lent, ce qui semble être son plus gros défaut. Pendant ce temps-là, toi, Mokosh, tu sens le poids de la chose commencer à plonger au niveau de ta lame qui... Bref, elle se rapproche de plus en plus de toi, tu penses que tu vas pas pouvoir tenir bien bien longtemps. F-Flux, de ton côté, tu as déjà utilisé une action pour te déplacer, est-ce que tu faisais autre chose en même temps? À part donner des ordres? En même temps, non, parce que, encore une fois, mon but est toujours le même. Je m'éloigne le plus possible de la créature et je suis sur l'artefact. Ok, dans ce cas-là, je considère que ta première action, c'est de t'être déplacé suffisamment loin, et que la deuxième, c'est du coup de me refaire un jet d'intellect engineering, s'il te plaît. Yes, sir. Ou science, comme tu veux. Ouais, bah, je vais garder ça parce que je suis meilleur. Du coup, j'ai fait 3 réussites de déclencheur. Ok. Malheureusement, c'est échoué, j'attendais 4 réussites. Ou 3 réussites, dont 3 déclencheurs. Mais tu pourras essayer au rond-dessus. Parce que premier tour. Pendant ce temps-là, le commissaire Ray, elle, utilise son mousquet et tire en direction de la machine de Hamsumo. Ce qui va lui faire perdre sa deuxième action. Plutôt que de l'utiliser contre moi. C'est l'avantage d'avoir un PNJ avec. De ton côté, Torik, tu as fait un premier son au niveau de Malware qui peut désormais se relever et va pouvoir reprendre le combat avec lui. D'accord. On va pouvoir effectuer un deuxième round d'initiative. Donc, à nouveau, vous faites un test de psyché réaction et vous avez le droit de nouveau dépenser de l'écho. Je donne encore 2 égos. Ok. Un égo pour moi. Okay. Eh ben c'est bien de la merde ces 2 égos. 2 réussites. Ah tu vois, j'en ai mis qu'un, là ça marche mieux. Mokosh avec des réussites. Ensuite. N'oublie pas les stats de Jakar. Ouais. Désolé. Pas de soucis. J'aime beaucoup cette musique. Ok, nous avons Tori qui va jouer en premier, qui va pouvoir faire 2 actions. Ensuite, nous avons. FX. Il me manque Jakar, non ? Au niveau du score. Ouais. Combien est-ce que tu dépenses d'ego ? Est-ce que tu veux que je te donne ton score du coup ? Ouais. Il t'en reste. Il donc, pour l'instant, vous n'êtes pas battu il y a longtemps, donc ça va, vous êtes à peu près à 9. Son visage, il est visible maintenant, là. Donc on le voit oui, clairement. Oui, parfaitement mécanique. Hein. Comme je disais, c'est une structure. Alors, c'est un peu dans l'ombre parce qu'il y a cette espèce de capuche. Mais toi, Mokosh, tu le vois bien, justement, ces espèces de yeux blancs pointés dans ta direction. Ouais, c'est le même. Enfin, oui. Oui, c'est exactement la chose d'avant. Elle semble assez vieille et justement, elle a sans doute passé beaucoup de temps là-bas. Donc, ce qui fait qu'elle a du mal à se déplacer et que tu arrives à tenir. Sinon, tu penses que si elle avait été en bon état, comme le jour de sa création il y a plusieurs centaines d'années, tu te serais fait. Là, t'aurais eu. Du coup, Jakar, j'attends ton résultat. Il te faut, jeter 4 dés. Sauf si tu dépenses. 4 dés. Ouais. Tu dépenses de l'ego ou pas ? On en regagne à chaque scénario, hein, si je me souviens bien. C'est ça, vous en gagnez naturellement avec du repos, des choses comme ça. Ok. En vrai, là, vous en avez beaucoup. Ça peut être une campagne très très combat, donc vous pouvez vous le permettre. Enfin, c'est une campagne. Hein. J'en parle comme si c'était là. Je vais en dépenser 2. Et du coup. Ça, je mets à jour en direct vos scores d'écho. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous m'écrivez juste là. 2 réussites, dont un déco. Ok. 4, 6, 7. 2 réussites, dont 2 déclencheurs. Et autant. Juste avant mon coche, est-ce que je mets 2 fois ? Parfait. Quant à la créature, elle a fait 4 réussites, dont 3 déclencheurs, encore une fois. Donc elle va jouer en première, et elle va jouer deux fois. Parfait. Mokosh, à nouveau, tu sens qu'elle commence à essayer de te balayer, mais cette fois-ci avec son poing. Elle a lâché le marteau, elle va essayer de donner un coup, simplement. Malheureusement, t'es un petit peu, tu la tiens un peu à distance avec ton espadon, mais est-ce que tu tentes d'esquiver de manière passive ou active ? Active, je pense, hein, oui. Ok. Envie de me faire toucher par ce truc. Je vais jeter 8 dés. Et j'ai fait 3 réussites. Ce qui est pas incroyable. Du coup, j'ai une petite question. Là, du coup, j'utilise. Enfin, je mets aussi les dés que j'avais utilisés en égo pour ce spectacle. Ouais, ça. Ok, c'était pour être sûr. Ouh, c'était un bon jet de merde, ça. C'est deux réussites seulement. Ok. Malheureusement, t'arrives pas à le voir venir celui-ci. Tu sens son énorme poing pénétrer à l'intérieur de ta cage thoracique, alors elle transperce pas ta peau, mais t'as le souffle complètement coupé et t'es projeté en arrière, tu lâches ton espadon. Tu t'éclates au sol et tu sens une douleur immense, t'étais plié sur toi-même. Tu as combien d'armure ? Je crois que j'ai rien. Attends. J'ai rien dans mon inventaire en armure, en tout cas. Il me semble en effet. Ouais, j'ai pas d'armure. Oui, t'as pas d'armure, alors tu perds 7 points de vie. J'ai combien déjà de points de vie ? Dans un dégât, t'es en. En blé, en traumatisme. J'adore. Attends, du coup, sur tes 13, on a perdu 7, donc il t'en reste 6. Ok, donc j'ai dépassé la moitié, donc techniquement mon sang du pêcheur il s'active, non ? Alors oui, en effet, ton sang du pêcheur s'active, mais par contre tu n'es pas en traumatisme, parce que t'as 8 points de vie normaux et 5 points de vie traumatiques. Donc t'as pas de malus à tes jets. Donc j'ai plus de limite d'ego, je vais tout mettre. Ensuite, elle se retourne vers toi, Toric, et pareil, va t'asséner un coup. Elle se dirige dans ta direction et elle t'attaque. Est-ce que tu défends activement ou passivement ? Bah j'ai deux actions, non ? Ouais. Bah je vais faire activement. Ok. Alors du coup c'est... J'ai fait une réussite dont un déclencheur. Et donc pas moi... Mais j'ai eu un malus parce qu'elle s'est déplacée en même temps qu'elle... Et la défense c'est combien du coup là ? Pardon ? C'est quoi la défense active là ? C'est quoi que je Alors ta défense active actuellement, il faut que tu me fasses un jet de agilité mobilité. Pour esquiver simplement sa ruée sur ta direction. Il faut que tu fasses. En fait, si tu fais 0, t'as perdu. Mais je pense pas que ça va arriver. Parce que j'ai vraiment pas eu de bol. Agilité, mobilité, c'est ça ? Quoi ? Ah, ok, d'accord. Agilité, mobilité. Et ça, c'est si je fais une défense active ? C'est ça. Sinon, c'était. Sinon, c'était quoi ? Sinon, il fallait. C'était 1. Ah oui, d'accord. Donc, agilité, mobilité, ça fait. Putain, c'est pas grand chose, hein. Si t'étais en mouvement, mais que t'avais plus. Bah, je suis. Ah, bah non. C'est pire. T'as vu combien ? Regarde. Ah. Ça. Deux échecs. Heureusement pour toi, elle a fait un très mauvais jet également. Tu vois la silhouette de la créature se ruer sur toi. Et pareil, te percuter violemment. T'es projeté en arrière, tu t'éclates contre le mur du hangar. Et tu perds. Tu vas perdre un point de vie supplémentaire parce que j'ai fait un déclencheur. Tu vas perdre 4 points de vie. Mais je crois que toi, tu as une armure peut-être. Je crois, oui. Alors, attends, parce que... Alors, armure, en effet, t'as une armure de 2, donc t'as pu encaisser le coup un minimum. Ok. Je vais déduire ça immédiatement de tes points. J'attaque dans la foulée, hein, parce que j'ai encore une action. Bah, du coup, il faut que tu te rues vers elle, donc tu vas avoir un malus de 2 à ton GP. Parce que tu dois refaire le déplacement dans sa direction. D'accord, bah écoute, c'est pas grave, hein. Je vais. Donc c'est body. Body quoi ? Body mêlée ? Ouais. Hop. Donc, et j'ai un malus de quoi ? J'enlève combien de dés ? Deux. J'enlève 2 dés ? Ouais. Allez là. Ouais, ça fait deux réussites, un déclencheur. Parfait. J'ai déjà fait mes deux actions. Deux réussites, donc un déclencheur. Ouais. Tu arrives à toucher. Donc tu te précipites sur elle, du coup, avec ton dilacérateur. Ouais, je veux avec mon dilacérateur, avec la pointe, le frapper dans l'œil. Ah, pas bête, pas bête. Dans la pointe dans l'œil. Ok. En effet, t'arrives au niveau, à son niveau et tu lui fais une plongée pour lui envoyer au niveau de l'œil. Ça passe. Et du coup, tu vas me faire combien de dégâts, tu m'as dit? Alors attends, parce que du coup, le DC là, c'est. Alors, du coup, j'avoue, comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je sais plus comment ça marche. Bah, on se remet un petit peu dans le bain doucement. Alors, il y a deux succès, c'est ça, ta force c'est de 4 plus ta force divisée par 3. T'as combien en force? Tu as 6, donc 4 plus 2, 6. Plus 1 parce que t'as fait un déclencheur, 7. Moins son armure qui est de 4, elle perd 3 points de vie. D'accord. C'est pas ouf que j'ai fait. Okay. Bon, allez les gars. De son côté, Malware va agir et va tenter de lui casser le deuxième œil en suivant l'exemple de Tori qui s'empare d'un bout de ferraille qui traîne et tente de l'exploser. Aïe. C'est pas ces dés là, il y a beaucoup d'échecs. Vous le voyez qui se jette dans sa direction. Et alors qu'il s'apprête à atteindre son visage, reçoit sa main au niveau de son cou et elle commence à le soulever à plusieurs mètres au-dessus du sol. Jacquard, tu n'as pas encore agi, est-ce que t'es encore parmi eux? Il a micro coupé déjà donc. Oui. Ah, c'est déjà. Alors je vais ramasser mon marteau et bon, vu que ça a pas très bien marché, bah là je vais essayer de lui donner un coup avec toute ma force, pareil dans la tête, vers les yeux. Ok. Dans ce cas-là, j'ai demandé de nouveau de me faire un jet de body force. Vu que t'as dépensé combien d'ego cette fois, nouveau 2? Deux encore. Ça annule ton malus physique. Mais bon, t'as le malus du marteau, donc tu vas le relancer 3D. En effet, tu te sens complètement impuissant face à ce genre de situation. Une réussite et une tête de mort. Pardon ? Une réussite. Ok. Malheureusement, ça ne passe pas non. T'as le droit à un deuxième jet, qu'est-ce que tu fais? Cette fois-ci, t'auras pas ton bonus, donc si tu fais un coup de t'as le droit qu'à un seul dé. En fait, malheureusement, t'es dans cette situation complètement useless et tu t'en rends. Ah ouf. Désolé. Ouais, mais il donne des coups quand même. Oui. Même s'il les rate, ça peut être intéressant dans la chorégraphie de groupe. En effet, oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est toujours à Jacquard. C'est toujours à Jacquard, t'as le droit à deux actions. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. T'avais comment fait combien de déclencheurs, toi? C'est le déclencheur pour avoir deux actions. D'accord. Et bah, je retente le même coup dans la tête. Ok, parfait. Mais du coup, ce que je dis, cette fois-ci. 3D encore? Non, un seul du coup, parce que cette fois-ci, t'as pas ton bonus dégo. Mais je peux rien faire avec une réussite. Bah, à part ce que vient de dire Kemao et qui est de pertinent, en effet, tu peux pas faire grand chose. C'est pour la chorégraphie de groupe. C'est vas-y. Ça nous aidera. Et je peux pas essayer de le lancer comme j'avais fait pour annuler le malus? Là, malheureusement, du coup, non, parce que. Vu que t'as pas la préparation avant, tu. Bon, bah, bon, je lance un dé, une réussite. Ok. En effet, tu lui vois, t'essaies de le jeter, mais malheureusement, soulever le marteau à deux mains avec une seule, t'es accoudé au niveau de ta béquille. T'as du mal à tenir en équilibre et t'essayes de le faire bouger, mais ça semble à peine la déranger. Pendant ce temps-là, Flux, qu'est-ce que tu fais? Donc tu tentes de faire le test à nouveau? Toujours la même chose. N'oublie pas tes égos. Je vais te le refaire. Et en effet, t'as le droit à ton bonus d'égo. Ouais. Oui. tête de mort, on s'en fout. Ça fait... Oui, c'est ça, 5 réussites de déclencheur. Ok. Bon, il y avait aussi une tête de mort, mais... Pendant ce temps-là, toi, t'étais en train d'essayer de récupérer les données, et en effet, t'arrives à comprendre comment changer le sens du signal. Et tu commences, j'imagine, du coup, à l'actionner. Oui. Parfait. Pendant ce temps-là, la machine, elle, jette le corps du pauvre malware après lui avoir à moitié brisé le cou sous cette puissante main métallique. Elle ramasse à nouveau son marteau et cette fois-ci se dirige dans ta direction, Jacquard. Et Prael, il agit pas ? Quoi ? Prael, pendant ce temps-là, lui, il lui tire dessus avec son mousquet. D'accord. Mais ça semble à peine l'égratigner, vous voyez simplement des trous se percer dans son espèce de grand... de grande cape à capuche qu'elle devait utiliser simplement pour s'enrouler, pour pouvoir se déplacer pour pas plus ou moins parfaitement. Autant que faire une machine de cette taille. Dans ma direction ? Oui. Et elle ramasse ton marteau que tu lui as jeté dessus. Elle arrive à ton niveau. Tu vois, t'es là, fébrile, en train de tenir sur un espèce de béquille. Et d'un seul coup, elle balaye cette dernière d'un revers de la main et tu t'éclates au sol. Ensuite, elle récupère le marteau qu'elle commence à lever de toutes ses forces au niveau de sa tête. Et comme dans un bon film, au dernier moment, elle s'arrête et le lâche par terre. Et le lâche et par terre. Complètement. Elle le lâche. Et sur elle moi. Reste immobile devant toi. Elle bouge plus. Elle bouge plus du tout. Ça, on aurait pu s'arrêter là-dessus. La dernière fois, tu vois se dessiner la silhouette de Flux qui semble la regarder attentivement tout en ayant plongé ses modules à l'intérieur de l'artefact. Oui, je m'approche du coup. Tu t'approches et si tu t'amuses à essayer de la pousser légèrement avec la main, tu verras qu'elle manquerait presque de basculer au sol. Très bien. Tu vois qu'elle était finalement pas si grande que ça en réalité, elle était à peu près à hauteur d'homme. Mais en effet, elle avait toujours tendance à adopter cette posture assez massive puisqu'elle peut beaucoup plus facilement que nous se redresser complètement sur elle-même. Pour gagner en puissance. Tu vois également qu'elle semble avoir par endroits des genres de numéros de série raccordés avec l'artefact que tu as entre les mains, t'indique qu'il s'agit là d'un vieux modèle qui semble donc être relativement mauvais par rapport à ce que pourraient donner d'autres machines de Hapsumo en général. Ouais. Malgré tout, tu remercies plus ou moins le ciel que cette dernière ait été liée ainsi à un artefact, puisque ça ne semble pas être leur fonction première. Celle-ci semble justement avoir une autre fonction, celle de protéger la fameuse petite fille, qui devait être, peut-être la fille de quelqu'un d'important qui souhaitait que cette dernière soit toujours en bonne sécurité, entre de bonnes mains. Ok, donc une fois cette histoire terminée, je vais m'approcher de Torik pour le prendre à part. Torik, tu m'as dit précédemment que je pouvais te parler si j'en avais besoin. Honnêtement, je n'avais pas vraiment l'intention, mais vu qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir échappé à la mort. Tu sais pourquoi j'ai tué ton supérieur, c'est parce que... Il avait dit des choses sur Abby que j'étais pas prête à accepter. Et c'est pas la première personne qui me l'a dit au final. Et je sais pas trop quoi en penser parce que ça lui ressemble à la fois énormément et pas du tout. Donc, est-ce que tu penses que Abby nous a abandonnés ? Est-ce qu'elle s'est suicidée ? Écoute, je pourrais pas forcément appeler ça un suicide. Mais comme tu le sais, Abby a toujours été entière et a vécu sa vie à 100%. Et honnêtement, je pense que elle n'aurait pas accepté de finir en cage. Alors, elle a préféré partir comme ça plutôt que de finir derrière des barreaux. Du coup, j'appellerais pas ça un suicide, tu vois. Plus un barreau d'honneur. Je vois. Merci en tout cas. Tori, j'ai autre chose à te dire. Est-ce que tu sais pourquoi je suis devenu anabaptiste? Pour être honnête, Mokosh, je ne sais pas. Quand j'étais plus jeune et que j'étais en pur carré, à Lucatore même pour être plus exact, j'étais pas grand chose, il faut dire. J'avais un peu du mal avec tout le monde. Bon, c'est toujours un peu le cas, mais. Et puis j'ai rencontré Lito, mon mentor qu'on a croisé quand on était là-bas. Et j'étais plutôt impressionné par lui, je dois l'avouer. On pouvait pas dire qu'il n'existait pas, lui. Il m'a pris sous son aile. Et on peut dire que c'est lui en quelque sorte qui m'a appris à exister. J'ai jamais vraiment existé avant. Puis il a monté en grade et il a décidé que je devrais me débrouiller tout seul. Alors quand je suis arrivé en Borka, j'ai été au premier bordel que j'ai croisé. J'ai pris la première pie que j'ai trouvée. C'était Abby. Et comme avec Lito, tout simplement, c'est ce qui m'a permis d'exister techniquement. J'arrive pas à exister pour moi-même, j'arrive pas à exister pour d'autres personnes. Alors je vais te demander, Tori, de bien vouloir accepter mon serment de fidélité et de servitude à ta personne. Écoute, si ça te permet d'avoir une raison de continuer et de vivre, alors j'accepte.